de laisser un message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Ah, c'est bizarre, j'arrive pas à m'enlever le truc dans le nez là. Ah, ça me... Oh, pardon, ça enregistre. Oui, salut toute l'équipe de Wrestles Radio, c'est Kevin qui vous parle en direct depuis sa chambre, hein, tout simplement. Pour vous féliciter, un petit message quand même sur ce répondeur de Wrestles Radio, parce que ça fait quand même 2 ans, c'est beau 2 ans. Hein. Au départ, on devait faire qu'un pilote, c'est vrai que finalement, voilà, après 30 émissions tout de même, ouais, ça c'est à féliciter, il y en a pas beaucoup qui ont réussi à tenir de podcast de catch. On n'est pas les derniers parce qu'il y en a de nouveaux qui se sont créés, mais quand même, on va dire qu'on est un petit peu les vieux de la vieille, quoi, les papis du catch. C'est vrai, surtout Gus qui a eu la superbe idée il y a déjà 2 ans de se dire, tiens, si on faisait un podcast sur le catch. Et finalement, la formule a pris et une équipe s'est installée. Alors bon, on va pas tous les répéter, il y a évidemment les piliers de bar qui sont là, il y a Gus, il y a Brousty, il y a Verpa, il y a Ben, il y a Tifo. Et puis il y a eu les petits nouveaux qui se sont très vite adaptés, hein. Je parle évidemment de Seb également, et puis on a eu les vieux de la vieille, ceux qui ont passé, qui ont participé à l'émission, c'est évidemment DV7, c'est Alvero, c'est Martin également qui était là, bref, une sacrée équipe, je sais plus combien on était à peu près, il y a dû avoir 20aine de personnes qui ont dû passer dans ce podcast, et finalement voilà, au bout de 2 ans... L'équipe est toujours là, toujours présente, toujours motivée, je sais pas comment vous faites, surtout que Gus n'a toujours pas envoyé les salaires, hein, donc bon, ça commence à faire un peu beaucoup. Et puis, il faut quand même noter qu'en 2 ans, il y a eu de beaux invités, hein, Marc Chavez, Sylvain Garnalec, Norbert Foyant, on a évidemment Julien, alias Spécimen, de TF1, ça c'est rien, le petit bruit c'est ma chaise Queen, hein, évidemment, j'ai plus les moyens depuis que je fais plus de podcast de catch, moi je ne suis plus invité dans les grandes soirées, donc bon, bah, tant pis, je récupère les petites chaises que je peux, les petits objets, les stylos qui n'ont plus beaucoup de rancre. Enfin bref, je fais de la récup maintenant. Voilà, c'est bien triste ma vie. Bon, en tout cas, il fallait vous féliciter. Féliciter aussi l'album de Ben que j'ai écouté. C'est 1 heure de grand plaisir. Hein. Bon, j'avais plus d'oreilles au bout d'un moment. Ça commençait un peu à saigner, hein, le bruit du casou. Mais c'était magnifique. Voilà, c'était du grand art. Je crois que Mozart peut aller se coucher facilement, au moins. Oui, voire du Chopin ou peut-être du Beethoven. Enfin, je sais pas. C'est dans cette même lignée-là, quoi. C'est du grand artiste que ce Ben, et il faut le féliciter. Puis bienvenue aussi aux petits nouveaux, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux noms que je connais pas forcément, et que je tenais à féliciter, parce que, bah voilà, Wrestles Radio attire toujours, et on se dit que finalement, bah, même s'il y en a certains qui partent, il y en a toujours qui arrivent, et que l'aventure continue. Alors bon, on sait jamais, peut-être faire un truc pour le 3e anniversaire, je sais pas, une soirée à Cancun, voilà Gus, si tu peux nous payer ça, ça serait sympa, sinon on fera un truc sur bagnole, hein, bon... Bah. On arrivera en bagnole. Voilà, ça c'était pour la mauvaise blague de la journée. Ben est quand même bien meilleur que moi. Et puis, quoi vous dire en 3 petites minutes sur ce répondeur? Ah ben, ma foi qu'il va falloir continuer ainsi et qu'on sait jamais, peut-être que je reviendrai un jour. Ça serait bien que je revienne quand même, même si je ne suis plus vraiment le catch. Du moins, je suis les résultats et heureusement que vous les postez sur le forum pour savoir un peu où est-ce que vous en êtes. Et puis non, je reviendrai. Je reviendrai, il faut que je revienne. Il y a le Road to WrestleMania qui va reprendre dans pas longtemps. Il va falloir quand même que je donne un petit peu mon avis sur qui fait quoi. Puis en plus, je suis toujours, parce que j'ai vu par exemple que Hulk Hogan était de retour. Je trouve également que Stone Cold Steve Austin peut avoir le titre de la WWE, à mon avis. Je pense que ça peut être sympa. Et puis alors la feud quand même entre John Cena et Vicky Guerrero, ça c'est beau. Ça, j'adore. Franchement, je pense que ça peut aller très très loin. Puis un nouveau catcheur, là, CM Punk, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui a l'air sympa aussi. Donc voilà, vous voyez, je continue à suivre quand même le catch au cas où, pour rester au courant de l'actualité, puis pour essayer un jour ou l'autre de vous retrouver sur Wrestles Radio. Allez, passez de bonnes fêtes, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Wrestles Radio, 30e du nom, ça y est, 30 numéros, fin du monde, 30, bon ça n'a rien à voir, mais bon tant pis. On est beaucoup pour parler de WWE, TLC et encore la WWE. Et je vais commencer par mon ami Bonsoir, mon ami sudiste, c'est Lurion. Ouais, salut Gus, salut tout le monde, très heureux d'être là ce soir. Verpa. Et je suis là, Gus. Salut à tous. Vincent. Bonjour tout le monde. Tifo. Salut tout le monde. Ah, Sébastien est également là. Un peu de nostalgie pour moi parce que c'est ma dernière émission sur mon vieil ordinateur. Eh ben pareil. C'est ma dernière émission sur mon vieux PC. MP est là aussi. C'est moi, c'est sûrement pas la dernière sur mon iMac, mais bon, je vais arrêter de me voir. Il est de retour. Ça fait presque un peu plus d'un an qu'il est parvenu. C'est Monsieur Ben, Mister Ben. Salut Ben. Et bonsoir à tous. J'ai fait mon caprice de star, j'ai voulu revenir, on m'a accueilli, donc ça fait plaisir. Mais tu nous as manqué, Ben. J'espère que tu es en forme, j'espère que tu vas nous sortir des vannes, parce qu'on a besoin de toi, là. Ah, j'en ai une pour la fin de l'émission, là. J'ai déjà... Enfin, pour le début. Si, franchement, si t'en as une pour sauver l'intro, là, maintenant, c'est suite, je suis preneur. Non, c'est le meilleur pour la fin. Ah, le meilleur pour la fin, tant pis. Et Broussier est également là. Broussier, son micro qui a décédé, donc il aura... Il n'est que sur le chat et il nous dit toujours pas salut, j'attends qu'il nous dise salut, on pourra commencer. Si, si, il nous a dit salut les poulets, mais dans une conversation privée. Ah oui, salut. Salut poulet, Brusty. Eh bien messieurs, on va parler donc de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de WWE TLC, qui était juste, messieurs, énorme. Hein, vous êtes d'accord ou pas? Totalement. Ah, oui. Moi, je dirais même que c'est le meilleur pay-per-view de l'année. WWE. Ah, c'est clair. Après des mois de souffrance. On verra. On parlera également des Slammy Awards qui ont eu lieu lundi dernier. De quoi on devrait parler également du lancement des Wrestlers Radio Awards dont vous verrez les révélations à la fin, au début de l'année 2013. Et bien sûr, nous parlerons vite fait de Big E Langston qui a donc effectué ses débuts à Raw lundi dernier également. On est vraiment obligé. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la WWE. Non mais Gus, sérieux, on est vraiment obligé d'en parler de lui? Bah, de toute façon, ça sera, on en parlera vite fait avec les Slammy, mais voilà quoi. Ouais, enfin, ça mérite pas un sujet. Enfin bref. Non mais bon, je le dis comme ça. Quoi. Je veux dire, on va parler de Big E Langston, donc soyez pas trop déçus. S'il vous plaît. C'est déjà pas cool de dire Big E Langston. Alors... Enfin bref. Vincent Gusti vont nous lancer un petit jingle et on se retrouvera. I'm making you go away. Alors messieurs, je viens d'apprendre qu'il y a eu un dark match, que même pas diffusé sur YouTube, et c'est une résurrection pour un lutteur. C'est JTD, messieurs, qui a battu David Otunga dans le dark match. Ah d'accord. C'est sûr qu'ils n'ont pas réussi le résultat. Juste pour information. Même pas sur YouTube. Je vois JTD battre David Otunga, donc écoutez, résurrection. C'est parce que c'est le héros local, hein, il vient de Brooklyn, JTD. Ah bah oui. Ouais, ah, voilà, c'est exactement ça, ouais. Allez messieurs, on va commencer par le pré-show. Pré-show que pour une fois je n'ai pas vu, c'était la Battle Royale des Divas pour devenir la prétendante numéro 1 au titre des Divas de Layla. Ça a été défendu également durant le pay-per-view. Et Naomi a battu, alors attention, Alicia Fox, Natalia, Tamina Snuka, Rosa Mendes, Aksana, Cameron et Layla dans un temps de match inconnu. Messieurs, est-ce que vous voulez vous attarder sur le pré-show? Et moi je l'ai vu pour une fois donc j'ai envie d'en parler. Ah mais Tifo. Non, bah en fait, je l'ai regardé parce que voilà, c'est les Divas et puis parce qu'il y avait Layla, donc j'étais content. Mais non, à part ça, une bonne surprise d'avoir vu Naomi remporter. C'était cool parce qu'elle est... Elle est vraiment bonne dans un ring. Donc, ouais, c'était sympa de voir ça. Mais puis, honnêtement, je crois que personne s'y attendait. Non. En fait, Naomi, elle avait déjà été. Elle avait déjà lutté contre Yves Torres déjà dans un no-show, je crois. Et le match avait été plébiscité par les officiels qui étaient présents lors de la no-show. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont peut-être voulu donner la chance à Naomi pour pay-per-view. Mais Naomi, elle a déjà eu plein de matchs à NXT 3. Oui, non, mais là, c'est... Donc, on sait que dans un ring, elle s'est donné quelque chose, contrairement à Cameron, qui est strictement inutile dans un ring. Mais bon, elle s'est dansée, elle s'est faire l'intro de... du clé, ça suffit. Mais Naomi, sait qu'elle est capable de donner des bons matchs. Non, mais c'est surtout qu'à la fin, on voit que ça reste entre Naomi et Caitlyn. Tu te dis, ouais, c'est bon, c'est Caitlyn qui va l'emporter, il n'y a plus de surprise. Bah, ils ont quand même réussi l'effet de surprise avec la gifle de Yves sur Caitlyn et après l'élimination. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt plutôt sympa et puis c'est une bonne surprise. Donc pré-show correct. D'accord. Qui d'autre l'a vu peut-être avec Goussy? Je peux retranscrire ses propos si tu veux. Vas-y. Ouais. Donc la bataille royale des divas, grosse surprise mais pas imméritée même si elle n'a jamais catché à la WWE. Mais Naomi a de très belles aptitudes à l'échelle des divas, notamment avec de très bons matchs contre AJ à la FCW, qui était le centre de développement de la WWE. Bon combat pour une division qui a une place tellement mineure, mais les costumes pour Alicia Fox, c'est un reine, la pauvre. Et ce qu'il a trouvé sympa, c'est les salamis mineurs présentés lors du pré-show par Cole et Matthews, avec Daniel Bryan qui en a raflé deux. Voilà. D'accord. Ouais, mais juste pour revenir, Naomi, elle a déjà combattu à WWE, parce qu'à l'époque, NXT 3, ça faisait partie de la WWE à plein temps, même si c'était évidemment pas le show principal, ça faisait partie de la WWE, alors qu'aujourd'hui, NXT, c'est plutôt entre les deux, c'est limite. Et elle a fait son meilleur match contre AJ, et ça, je me souviens. Ouais, NXT 3. Très très bon match. Ah, il y a une très bonne élimination d'Aksana aussi, on voit toute sa souplesse dans le ring, c'est fabuleux. Écoutez, messieurs, on va... passé donc au premier match show normal. C'était donc le Tables Match Tag Team Match pour déterminer les prétendants numéro 1 Tag Team Championship. Les Road Scholars ont battu Rey Mysterio et Sin Cara au bout de 9 minutes et 30 secondes. Ouais, c'est un Tables Match basique, quoi. Je pensais que la Team Mysterio Cara allait remporter le combat histoire de pouvoir enfin avoir leur. Les titres par équipe et ensuite partir sur une rivalité pour WrestleMania. Malheureusement, non. Enfin, finalement, non, ça s'est pas passé comme ça. Donc, moi, j'étais assez surpris de la victoire des Road Scholars. Et je crois que Sin Cara s'est blessé durant le combat, non? Bah, je l'ai vu tenir son genou, le droit, je crois, vers la fin du match. Mais après, je sais pas si c'est vraiment là qu'il s'est blessé ou si c'était déjà avant. Et là, ça est... c'est là où ça a vraiment craqué, entre guillemets. Mais oui, apparemment, il s'est blessé. Donc, ouais, bah après, c'est un match correct, c'est un tables match. Après, moi, ce que j'ai bien apprécié la fin, en fait. Je trouve que bah, le finish était très bon. La poussette de Cody Rhodes là, sur Sin Cara, comment il tombe, je trouvais ça assez innovateur, on va dire. Donc, c'était sympa, je trouve. Ça fait une belle fin, on va dire. Et après, Gus, tu dis que t'es surpris de la victoire, mais pour moi, il n'y a aucune surprise. Les champions, ils sont face maintenant, c'est une certitude. Donc c'est pas étonnant de voir des heels gagner. Hein. Non mais je pensais vraiment que qu'elle avoir une connerie pour essayer de d'amener leur rivalité pour Mania, s'ils doivent en avoir une. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu surpris. Je pensais qu'ils allaient commencer ce soir. Parole à Ben. Oui, moi je suis d'accord avec Tifo, mais je voulais donner mon avis. Bah oui, franchement c'est un bon petit match, je trouve. Souvent les table masses, parfois il y a vraiment des trucs qui nous font chier à faire, c'est des spots à la con et tout, mais là je trouve que c'est rapide, il n'y avait pas eu vraiment gros temps mort. Et puis je voulais vous demander votre avis sur la moustache. La moustache, le débat. Le débat numéro 1, je voulais savoir. Non mais déjà, le public, on peut dire que le public a été très bon en disant ugly moustache. Ouais, c'est génial. Non mais rien que déjà le public de TLC, je crois que c'était peut-être le meilleur public de l'année. Ah oui, complètement. Moi, je suis complètement d'accord. Il y avait le public du lendemain de WrestleMania aussi. Qui était... Oui, ouais, ça, aussi, ça, c'était pas ça. Ouais, c'était pas mal. Ils sont hors compétition, ça. Sébastien. Ah, mais pour répondre à la question de Ben, maintenant, je crois que la moustache, elle fait partie intégrante du personnage de Cody Rhodes. Maintenant, j'ai du mal à l'imaginer sans, parce qu'il y a des telles réactions de la part du public que ce serait bête de se priver de cet atout. Après, j'ai aussi noté que c'est la deuxième victoire en match de table pour Cody Rhodes cette année. Donc, c'est une bonne invincibilité pour lui dans cette stipulation. Peut-être que ce sera sa future marque de fabrique, on ne sait pas. Hein. Parce qu'il avait battu le Big Show, je vous rappelle, à Extreme Rules en 5 minutes, un truc du jeu. Renaud. Ouais, j'ai bien aimé le rythme du match, les enchaînements, c'était super sympa. La foule aussi, toujours comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'était une super foule vraiment. Par contre, moi, j'aimerais revenir sur la règle du match parce que à l'époque, dans les tables match par équipe, il fallait que les deux adversaires, que les deux coéquipiers passent à travers une table pour que le match se termine. Là, ils l'ont pas fait comme ça. Donc, j'ai été assez surpris de la fin en fait. Je m'attendais à ce que ça continue, moi, malgré la chute de Sin Cara à travers une table. Je pensais qu'ils allaient éliminer Rey Mysterio après. Bon. Sinon, à part ça, ouais, j'ai bien aimé le match. J'ai trouvé ça super sympa, très agréable à regarder. Très bon. En tout cas, Ouais, non, je voulais juste dire que le match était vraiment excellent. Par contre, la moustache de Cody, je trouve que ça renforce bien le petit côté Rod Scholars de l'équipe, parce que Sendo, bon, c'est un petit peu l'élite intellectuelle, et puis avec sa petite moustache et tout ça, ça le permet de se différencier de la masse, parce que Cody Rhodes, il a quand même un physique assez, assez simple. Il ne sort pas de l'ordinaire par sa taille, son poids ou quelque chose comme ça. Donc ça lui permet d'avoir un petit élément physique qui permet de se détacher du lot, et c'est pas plus mal. Ça permet de bien rentrer dans le cadre de son équipe. Et MP, donc, qui va donc partir sur sa tangente de 5 minutes. Ouais, mais je vais. C'est pas mal dit de ce que je pensais, donc je vais juste acheter quelques trucs intéressants. D'ailleurs, à la foule, vous l'avez mentionné, elle a fait un très bon impact dans cette interview. C'est la première fois que la WWE est dans cette salle, donc on peut penser que c'est ça la raison de cette ambiance folle. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce match-là a quand même été avec un spot final très intéressant qu'on ne voyait pas venir. Donc, je pense que c'est déjà un très bon plus pour un match comme ça, d'avoir un spot qui ne va pas venir sur un springboard du tout. En tout cas, ça m'a surpris quand même comme finish. C'est un match qui a bien une nouvelle. Je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire pour ce jeu-là. Donc, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord pour passer au match suivant, monsieur? Je peux pas, j'ai une information. Ah, voilà. Ah, ça y est, Vince. On oublie Vince, c'est parti. Déjà, tu avais réussi à le vendre, mais non. Déjà, je vais dire ce que, enfin, je vais dire ce que Bruce a marqué sur le chat. Donc, très bon rythme, belle alchimie, j'ai bien aimé ce match. Bon, il répète ce que a dit Renaud au niveau des règles. Donc, Carrera et Mysterio sont cassés, donc repos pour eux jusqu'au Rumble, voire plus. Et il confirme que Sandow fait une belle année, que c'est la surprise, même la bonne surprise de l'année. Très bon au micro, mais sans être spectaculaire, il arrive à assurer dans le ring. Donc, moi, je trouve que le match est bon, mais après, bon, ça reste un TPS match, quoi. C'est pas exceptionnel, quoi. Mais c'est bien pour mettre en opener. C'était la bonne idée aussi du pay-per-view. Est-ce que donc là on va pouvoir passer enfin au match suivant peut-être si... Juste dernière information, le match par équipe qui a été gagné par Team Road Scholars, le match a déjà eu lieu puisqu'ils ont eu leur match à WWE Main Event cette semaine, qu'ils ont perdu d'ailleurs. Ah d'accord. Ah, première nouvelle. Bonne nouvelle. J'ai regardé le show aujourd'hui donc je peux vous le confirmer. D'accord. Cody Rhodes devait pas affronter Kane en solo? Bah si, c'était prévu à la base, mais ils ont changé, ils ont fait un match par équipe. Bon, on se débarrasse du match, quoi. Voilà. Bon, mais messieurs, on va pouvoir passer au match 1. Ouais. Antonio Cesaro versus R-Truth, c'était donc pour le United States Championship, ça a duré 6 minutes et 36 secondes, et sans surprise, Antonio Cesaro a conservé son titre des États-Unis tout simplement. Oui, bon, c'est encore. Bon, c'est R-Truth quoi, qui gâche un peu le match. Ouais, mais... Faut dire que Cesaro n'est pas non plus le plus passionnant dans le ring. La WWE, il doit pouvoir faire mieux, mais pour l'instant, il démontre pas des aptitudes hors du commun. C'est pas Brian. En même temps, avec les adversaires qu'on lui a donnés pour le moment, forcément, ça va pas aller. Ouais, voilà, c'est sûr, tu lui fous R-Truth à côté. Ouais. Enfin, voilà quoi, R-Truth dans le ring, niveau. Niveau move, c'est pas. Le mec, il en a 4-5, pas plus, donc ça s'arrête là. Hein. Mais après, moi, je reviens sur Cesaro. On a pu le voir au Tribute to the Troop. Il a quand même affronté Cena. Donc je pense que, mine de rien, ils ont quand même. Ils ont vraiment envie de le propulser beaucoup plus haut que ça. Quoi. Je trouve très bon dans cette promo, Cesaro. Déjà, il fait un fort impact, je trouve, de ce côté-là. Je pense que c'est une très bonne qualité déjà d'avoir des promos de cette figure-là du côté plutôt l'extérieur côté anti-américain qui fonctionne très bien. Donc je pense que Cesaro fait quand même un bon boulot et il y a quand même un match pas si mal avec True, même s'il n'est pas énorme quoi. Alors, MP a un micro, un nouveau micro qu'il a voulu mettre. On comprend ce qu'il dit, mais on entend de loin, donc bon, garde celui-ci. Sébastien. Je voulais juste revenir sur ce que dit Tifo. Tu avais dit que Cesaro, il y avait de bon espoir sur lui parce qu'ils l'ont mis contre Cena. Mais il faut aussi voir le contexte parce que c'est Tribute to the Troops. Alors tu mets un anti-américain, tu le mets en face de Cena. c'est juste, je pense, pour tuer Petus Up Loops. Après, c'est pas quelque chose qui va être dans la durée. Ouais, mais malgré tout, attends, à SmackDown, ils l'ont aussi fait affronter Sheamus. Enfin, je pense que. Dans un Raw aussi. Ouais, je pense vraiment qu'ils ont des espoirs sur lui. Enfin, moi, je trouve qu'il est pas prêt encore pour le moment parce que, certes, il a plus de réactions, mais c'est un petit peu obtenu de manière cheap, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment le type qui est anti-États-Unis, etc. Donc, c'est pas forcément son personnage qui est détesté, mais c'est plutôt le fait qu'il déteste les Américains, en gros. Ah, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que ça va se faire petit à petit, ils vont prendre le temps, et puis ça m'étonnerait pas du tout. Moi, je vous trouve assez sévère sur le César Wertschouf de TLC. Bon, c'est pas non plus. C'est sûr que c'est pas un match de dingue, hein, franchement. Mais comparé à celui de Survivor Series, il est bien meilleur, hein, je trouve. Hein. Franchement, c'est le jour et la nuit pour moi. J'ai trouvé l'ambiance déjà. Bon, voilà. Déjà, la foule, c'est sûr qu'elle elle joue un rôle important dans le pay-per-view, ça c'est clair. Donc, déjà, à ce niveau-là, par rapport à la foule de Survivor, il n'y a rien à voir. Mais le match en lui-même, moi, j'ai trouvé que c'était bien mieux. Bien mieux qu'au Survivor Series. Voilà, bon, après, pas grand-chose à rajouter. Voilà. Juste dire que c'est bien mieux qu'au Survivor Series. Et que pour moi, Antonio Cesaro, son meilleur match qu'il a fait à la WWE, c'est contre Sheamus dans un Raw assez récemment. Daniel. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé que Cesaro, il bidait un peu. Moi, je trouve que c'est en partie grâce à cause de son thème. Moi, je trouve qu'il est vraiment nul. On en a parlé à plusieurs reprises, hein, déjà. Ah ouais, mais c'est... C'est un miracle. Il est incroyablement mauvais. C'est vrai. C'est un miracle. Ça colle pas trop au personnage, je sais pas, c'est bizarre. Mais... Non, pas vraiment. Bah, ils... Pour GTG, c'est un miracle. Bah, c'est un miracle, c'est vrai qu'ils sont encore là. C'est vrai. Alors, la prochaine fois, il mettra du Ralston, il l'a vu sur Twitter qu'il écoutait. Il a de bon goût, il a de bon goût. Mais qui n'a pas parlé? Moi, comme d'habitude. Ça, hein. Alors d'abord, vous disiez que c'est un meilleur combat par rapport à celui de. Des Survivor Series, même si Arthrus déjà une ring, ça ne va pas. Mais avec ses aptitudes de face, c'est faible. Bon travail de Cesaro dans ce match qui a élevé un peu le niveau, même si cela reste moyen à cause d'Arthrus. Une rivalité trop étendue à mon goût, maintenant il pourra repartir vers du plus solide, j'espère, dernièrement des affrontements répétés contre Ryback. Le match contre Cena, je suis d'accord, ça peut être un levier, et j'espère qu'il continuera à faire son règne contre des adversaires comme The Miz, qui sait, même s'il n'est pas gâté avec une faible ceinture qui depuis un moment... voire depuis toujours, n'a pas de valeur réelle à la WWE, même si ça a servi à de levier au Miz et à Daniel Bryan. Faut espérer qu'ils suivent le même chemin. Moi, je trouve que c'est un bon champion, enfin, même si sa gimmick est un peu simple, entre guillemets, puisque bon, à part jouer à l'étranger, il n'y a pas grand chose de plus. Je trouve qu'il a, je sais pas, il apporte quelque chose, quoi, même si, contraire tout, c'est pas un match exceptionnel, ça reste, bon, peut-être pas correct, mais presque, quoi. Je suis pas sûr que si ça aurait été quelqu'un d'autre face à Arthrus, ça aurait été aussi correct. Et puis après, si on lui met une rivalité, je sais pas moi, contre The Miz ou peut-être pas Ryback, parce que là, ça serait un petit peu trop déséquilibré, mais je sais pas moi, contre Zack Ryder, ça pourrait donner quelque chose de pas mal, quoi. C'est un catcheur à suivre, tout simplement. Je pense franchement qu'Antonio Cesaro, il va falloir le suivre de près. Moi, c'est vrai, surtout, chaque fois, ces matchs, ils sont bons, je trouve. C'est jamais des mauvais matchs. Ouais, c'est jamais des mauvais matchs. Hein. Ah, c'est une valeur sûre. Hein. Voilà, c'est ça. C'est souvent un bon petit match. Hop. Je propose qu'on passe à ce qui s'est passé ensuite, après le match. Ouais. On a eu le Miss TV. Super. Non, c'était bien. Franchement, le Miss TV, c'est cool, les gars. Je sais pas pourquoi contrôler. Oui, ben, non, mais c'est pas possible. Oui, voilà, en pay-per-view, c'est pas possible. Oui. Non, mais oui, je suis pas content de ce que la WWE fait avec The Miss, quoi. Je comprends pas. C'est quoi ce nouveau rôle? Alors, il face, ouais. Mais bon, il est anti-mec Del Rio, une raison. Au contraire, j'aime bien. Je trouve que ça colle bien avec son face turn, ouais. Parce que ça garde son petit côté star présentateur de télé, je trouve que ça fait bien. Quoi. Moi, c'est vrai, je regrette ce côté, il était insolent, etc. J'aimais bien comme ça, normalement détestable, quoi, mais bon. Il peut pas être insolent durant 6-7 ans, quoi. Déjà, ça, il a rabâché son personnage de hyper arrogant et tout ça. Là, c'était arrivé un petit peu loin. C'est pareil pour Del Rio. Là, on sent qu'il y a un petit changement aussi parce que on peut pas toujours se servir dans les mêmes recettes, quoi. Sinon, ça lasse. C'est sûr, mais comment ils vont faire pour que le public l'aime? Je me demande. En tout cas, parlant du Miz, je trouve que. Enfin, on sait qu'il est face, mais je trouve qu'il a pas encore énormément de réactions. Enfin. Je sais pas, hein, j'ai pas. Quand il y a son thème song qui retentit, je sais pas, c'est pas non plus une grosse ovation. Les publics sont pas bons. Enfin, même, je trouve que dans le pay-per-view, le public était énorme, mais là, il a eu un peu moins de réaction que les autres, quand même, je trouve. Le truc aussi avec le Miz, c'est qu'il n'a pas de direction actuellement, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va, donc il n'est pas impliqué dans les storylines non plus. Ouais, c'est vrai. Donc je pense qu'à partir du moment où il sera vraiment dans une feud, quelque chose, là, les gens vont vraiment réagir à lui. Mmh. C'est possible. Pour moi, ce qui s'est passé, vas-y, Vincent, après je. Bah déjà, je voudrais parler du Miz TV. Moi, je dis que c'est pas un bon truc déjà parce qu'à chaque fois, c'est un peu simple au niveau du storytelling. Et puis, on voit tout le temps quoi. À Raw, à SmackDown et maintenant en pay-per-view. Donc, forcément, on va se lasser encore plus vite du truc. Et sinon, je comprends pas le turn de Del Rio. Alors, ok, son personnage, il est pas. Enfin, il s'essouffle. Mais je le vois pas du tout en face quoi. Et puis, il n'y a pas eu de truc marquant pour le faire tourner. On le met juste en tag team avec The Miz deux fois. Puis, il est face. Et avant, il se foutait complètement de Rodriguez, quand il se faisait tabasser, ben, il n'allait pas le sauver, maintenant il le sauve. C'est pas, y a pas trop de logique, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, moi, sur Del Rio. Ah non, mais c'est... Non, mais là, c'est surtout qu'il est venu, parce que, à mon avis, ils ont quand même un peu critiqué la langue espagnole, quand ils sont foutus de la gueule des deux commentateurs espagnols, et que bon, quand même, un mexicain, quoi. Ouais, mais le lendemain, Roux, il fait encore équipe avec The Miz, et puis... Quand ça, c'est pas truc pour continuer de délire avec les légendes, tout ça. Alors, et puis le truc par rapport aux Mexicains, il y a un coup, il avait demandé aux Mexicains dans la salle s'ils avaient leurs papiers. Il dit tout le temps, ouais, il y a deux types de Mexicains, l'élite comme moi et puis les autres, quoi. Donc bon, par rapport à ça, c'est pas non plus très, très logique, quoi. J'ai quand même kiffé le super kick qu'il a donné à Heath Slater. Ouais, ça c'est vrai, ouais, ça c'est pas mal. Mais sinon. Super kick qu'il a foutu à Heath Slater, il était juste magnifique. Voilà, c'est un des trucs qui peut lui servir, c'est qu'il est vraiment talentueux quand même dans le ring. S'il est vraiment genre phénoménal et tout, ça va plaire aux gens. Et personne ne revient sur les Free MB. Moi je kiffe bien. Les Free MB. Moi je les kiffe bien ces mecs. Il y a Jindermal quoi. Mais on s'en fout, ils sont marrants les mecs. On s'en fout. Ouais, ils sont ça c'est fun. À faire du airband comme ça, comme des cons, c'est génial je trouve. Isletter, Drew McIntyre, a pas de problème. Le problème, c'est d'innormal. Non, moi, il arrive à me faire rire. Franchement, les trois ensemble, je trouve que c'est très bon, je trouve. Déjà, normal, il est en pantalon maintenant. Oui, c'est vrai. C'est bien. Il est en pantalon, c'est l'idée de l'année d'ailleurs. Voilà. Et leur team song est très très bon en plus. Leur team song est très bon. Mais non, j'ai normal, j'arrive toujours pas. Mais c'est pas possible. Déjà, t'as entendu quand il a essayé de parler anglais, ça fait réel. On dirait moi qui parle anglais. Vas-y. Oui, Ben, tu veux dire quelque chose? Oui, certainement, je trouve ça, c'est divertissant, je trouve l'équipe. En plus, ça a sauvé la carrière de Drew McIntyre, je trouve, parce qu'il était vraiment aux oubliettes, quoi. Mais c'est vrai que Mal, je suis pas super fan. J'aurais plutôt vu Hawkins dans la team, je pense. Vu que lui aussi, on voit trop de ses craques. C'est vrai, Hawkins aurait été très bon, je pense. Ouais, c'est très bon. J'aurais plutôt vu les trois là, mais bon. Moi, je trouve ça pas mal, je trouve ça divertissant, en tout cas. Encore une fois, je me demande bien qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette équipe. Quelle est la direction? Je viens de lire un truc sur le chat qui me fait du mal, c'est MP qui dit Jinder Mahal a quand même du talent sérieux. Mais non, on regrette tous la team avec Yali, c'est vraiment énorme. Son match contre Lynn, c'est NXT, ouais, mais c'est contre Lynn, quoi. Ouais, voilà, c'est comme Mertus quand il faisait contre Cena, quoi. Ça passait, mais bon, c'est parce que c'était pas contre Cena que Cena, c'est bien vendre les prises. Boosty qui nous dit l'utilité dans un pay-per-view, c'est pas normal. On en voit trop de soi dans tous les shows, je suis pas d'accord. The Miz est très bon au micro, mais ça me lasse parfois quand on l'entend trop. Comme c'est le cas depuis quelques temps, assez affligé par la gestion de Del Rio et comment ce FaceTurn démarre. Contre True MD, qui sont quand même bas, même s'ils font mieux leur boulot, visible quand même que Mal critique la table espagnole disant qu'il ne parle pas anglais. Sinon, on n'a pas trop parlé du match qui a suivi. Ouais, je vais parler de. Donc, on va passer au match suivant. Ça a duré 8 minutes 13. Kofi Kingston a conservé son titre contre Wade Barrett. Je pensais que ça allait finir par disqualification, c'est ça, évidemment. Bon finish, quoi. Bon match et bon finish. J'ai bien aimé. Mais voilà, c'est dans la lignée de Cesaro Trousse, quoi. C'est un bon petit match. Bon, franchement, il n'y a pas grand chose à dire dessus, quoi. À part Kofi qui est encore bloqué avec un titre. Il décollera jamais, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'un jour, il va comme Morrison, il va se barrer parce que. Il est tout le temps que le titre US, c'est intercontinental ou tag team, il a jamais de push. Ouais, mais contrairement à d'autres, il. Enfin, il a l'exposition, quoi. Le mec, il apparaît à la télé, contrairement à des mecs comme Ryder, Hawkins et tout ça. Hein. Ouais. C'est sûr, mais bon, je pense que lui-même, il doit se lasser à force hein, de faire tout le monde. Il y a plein de catcheurs qui sont restés pendant des années avec le titre intercontinental, puis d'un coup, qui ont explosé sur la fin. Comme Edge. Quand même, hein. Il le mérite, je pense. Je trouve quand même, ça fait des années et des années qu'il... Je pense qu'il peut être récompensé, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. La preuve, non, mais après, titre poids lourd pour Kofi Kingston, c'est... Voilà quoi, c'est... Enfin, je le vois pas du tout. Est-ce qu'il peut être Orton? On a bien vu qu'il faisait réagir les gens, et positivement, c'était vraiment... C'était pas mal, je trouve. Vous savez qu'à l'époque, on n'aurait jamais imaginé Rey Mysterio, les gars, je vous le dis. Hein. Ouais, franchement... Si jamais, il peut surprendre, mais bon, c'est vrai que là, c'est bouché, hein, parce qu'en plus, avec The Rock et tout qui revient, etc., c'est... Ah oui, complètement, ouais. Complètement bouché. Ouais. Et un jour, peut-être le Money in the Bank, parce qu'il participe à gagner, mais il l'a jamais. Donc... Il fait une chatte de Benjamin. Aussi nous dit match très décevant, la rivalité va continuer, mais sans imagination. Je me demande si Kofi Kingston, avec malgré ses belles attitudes sur le ring, n'a rien de passionnant avec ses règnes ternes. Ah, avec des règnes ternes, paradoxalement. Bon match, mais duré trop faible. Dans ce cas, ça aurait pu se faire à SmackDown, la déception du show pour moi. Bon, je crois qu'on n'a pas grand chose à rajouter sur ce match. Hein. Honnêtement. Là, on va. Au passage, on peut juste signaler que c'est la seule victoire face du pay-per-view. Ce qui n'arrive pas souvent d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Non, merci Seb pour ces anecdotes. Ça va être un petit peu entre les deux. Allez, messieurs, pour parler du match suivant, parce que là on va parler du gros morceau du pay-per-view. Oui. Le TLC, c'est le six-man TLC match où il fallait gagner pour tomber ou soumission. Oh là là. Ça a duré 22 minutes et 46 secondes et The Shield a battu la Team Endo et Ryback sans pour autant faire du mal à Ryback. Ryback reste crédible malgré cette défaite encore. Bon, alors j'aurais juste un coup de gueule pour ce match. Pourquoi le foutre au milieu du show? Je suis d'accord, ça méritait le main event. Oui. Et d'un côté, à mon avis, c'était pas mal vu parce que du coup, ils ont fait gagner Ziggler en main event et ça, faire gagner Dolph Ziggler dans un main event de pay-per-view, c'est lui donner, à mon avis, une très grosse chance. Ah mais même, enfin je sais pas, tu le mets juste avant, je sais pas, mais pas en milieu de show. Ah, je pense qu'ils ont pas voulu faire deux TLC les uns derrière les autres. Ils ont pas voulu faire les deux là derrière. C'est pas faux. C'est compréhensible. C'est pas faux. C'est con. Bon bah je prends la parole en tout cas. Bon, c'est pas le match le plus long de la soirée et vas-y. Oui bah ce match bah voilà quoi, c'était de la bombe, enfin je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Je crois que ça fait hyper longtemps que j'avais pas pris plaisir comme ça à regarder un match. Franchement ça partait dans tous les sens, c'était à la limite du brawl, on va dire. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'était ça. Même les phases, je vais prendre des mots de Brusty, même les phases avec Ryback dans le ring n'étaient pas si chiantes que ça. Moi, j'adore Ryback. Donc, moi, ce qui m'a plu, c'est que Ryback, il n'a pas été surexposé. Il n'a pas été vraiment omniprésent dans le match. C'est ça que j'ai bien aimé. On a vraiment c'était super bien réparti, c'était très très bien construit. Enfin, vraiment, c'était à la limite du match parfait, quoi. C'est vraiment un truc super bien regardé, enfin. D'ailleurs, le match est nommé pour les Voices Radio Awards en tant que match de l'année. C'est normal. Honnêtement, pour moi, c'est un match qui vaut du 4 étoiles 1 quart, voire 4 étoiles 1,5, quoi. Enfin... Moi, je le note 4 étoiles de tir. Ouais, après, oui. Enfin, c'est du très haut niveau, quoi. Si, que 2 tirs, ça existe. J'ai déjà vu, tu regarderas, mais... Enfin bref, les étoiles, on s'en fout, c'est quand même du très haut niveau, il y a rien à ajouter, c'est des matchs comme ça qu'on veut voir, quoi. C'est super. Ben. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec mon ami le Leader League 2. C'est un excellent... c'est vraiment excellent match. En fait, j'avais pas vu sur Survivor Series, etc. Donc The Shield, je connaissais juste comme ça... À l'écrit, j'ai vu qu'il était venu. Et franchement, j'étais agréablement surpris. C'est vraiment les trois sont vraiment énormes, quoi. Surtout en rose, mais alors, vraiment, c'est. Faudrait voir ce que donne Reigns après dans un match normal. Ouais, c'est peut-être un peu le problème, mais les deux autres, sont impressionnants quand même. On aurait dit qu'ils étaient là depuis 5 ans, quoi. Ils jouaient avec la foule, ouais. ils ont... Franchement, c'était magnifique, quoi. Ambrose et Reigns, ils ont du talent. Ils sont incroyables. Quand il se prend tout le monde sur les tables et tout. J'ai eu peur pour Rollins quand même à la fin du match. Ah, c'est sûr. Hein. J'ai cru à la blessure, la commotion, je sais pas quoi, mais on est tous d'accord. Je pense que c'est vraiment un gros match. Quoi. Non, il n'y a personne. Tout le monde est d'accord. Voilà, enfin, c'est... Ouais, non, c'est un match énorme, c'est un match énormissime. Ça fait un bon moment qu'on n'avait plus eu un TLC de cette qualité-là. Ça fait vraiment longtemps, hein. Au niveau rythme, au niveau des spots et tout. C'est franchement, waouh, c'est hallucinant, surtout dans la PGRA en plus. Donc c'est vraiment, je pense que ce match, il va rester. Il y a eu énormément de nouveautés quand même d'utilisation avec les tapes, surtout, ouais. C'était vraiment très très intéressant. Ouais. Puis bon, après sur le trio des trois du Shield, je pense qu'Ambrose est quand même largement au-dessus des deux autres. Parce que Seth Rollins, bon, il va toujours souffrir de la comparaison avec CM Punk de toute façon. Mais là, en ce moment, ça a l'air d'être celui qui est là pour prendre les spots quand même. Parce qu'il prend le gros spot du TLC, il prend, je crois, le spot aussi au Raw suivant, donc au dernier Raw. Et donc, Seth Rollins, je pense qu'il va avoir un petit peu le rôle du, peut-être du Heath Slater de Nexus. Juste le second couteau derrière le chef donc, qui était Wade Barrett. Mais je pense pas que Seth Rollins puisse aller aussi haut que Dean Ambrose. Parce que Dean Ambrose, quand même, fait vraiment une impression vraiment différente avec son personnage qui est assez caricatural. Et vraiment, il se démarque du reste. Bon, puis Roman Reigns, de toute façon, il est lambda. Quoi. C'est juste les gros bras, ça peut faire les pauvres. De toute façon, Reigns est là parce qu'il est le. Parce qu'il est le cousin de droite. Moi, j'attends de voir sur Reigns, hein, les gars. Franchement, je l'ai pas trouvé non plus. Si mauvais que ça dans le match, hein. Il y a un bon spear à un moment donné sur la barricade là. Ouais. Ils ont tous été bons dans le match. Franchement, oui, ils ont tous été bons. Et puis de toute façon, un TLC ça peut que les mettre en avantage. Enfin, c'est les mecs ils débutent à la WWE dans le main roster par un TLC, ils te sortent un match 4 étoiles. Enfin, c'est que du bon pour eux quoi. Il y a que du positif là-dedans. Il n'y a rien pas mieux pour démarrer leur carrière. C'est sûr. Déjà, ils ont fait un impact superbe à Survivor Series. En plus, ce match-là, c'est que, pour le moment, leurs deux apparitions un peu par vous sont juste génialissimes, quoi. Sébastien. Ah, pour moi, c'était au-dessus de mes espérances. Hein. On s'attendait tous à un gros bordel, et finalement, on n'a vraiment pas été déçus, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment le genre de match qui passe presque trop vite, t'as envie d'en voir encore plus à chaque fois. Ouais, tout à fait. C'est vraiment bon quand tu dis ça dans un match. Après, il y a aussi beaucoup de spots mémorables. Chacun a eu l'occasion de briller. Ryback qui ressort fort dans la défaite. Et The Shield qui pourra s'appuyer sur le futur sur une grosse victoire. Non, franchement, c'est très bien fait. MP. Je peux finalement parler. Ok. On m'entend bien On t'entend de loin. T'as un peu une voix de cyborg, mais on t'entend. J'essaie de me rapprocher un peu. Mais j'ai quand même trouvé ce match. C'est quand même énorme, comme vous l'avez dit. Vous avez fait un peu le tour, mais on a un petit débat sur le chat, justement, de Rollins, le futur de Rollins et Ambrose. Je suis d'accord, comme vous l'avez dit, Ambrose, il y a déjà le charisme et tout. Rollins, justement, moi, je suis convaincu qu'il peut faire sa place même au micro, parce que dans le ring, il n'y a pas de question. On l'a vu à ROH, même à NXT. Rollins, je pense qu'elle était là même au micro parce que, je veux dire, Brian, on l'avait douté aussi, mais Rollins, je l'ai vu, la fin de son règne et tout, à la ROH, quand il avait la storyline qu'il voulait quitter la ROH comme avec le titre comme avec Punk en 2005. D'ailleurs, comme DVD Punk, il y a aussi un bon chapitre là-dessus, mais bon, je le divague un peu, mais oui, ses promos étaient très bonnes pour moi, et même ce qu'on avait à SmackDown, là, les promos étaient très bien. Mais cette Rollins, sa performance n'était pas mal non plus. Donc, et même là, je pense que Ambrose peut prendre la place de Rollins un peu si jamais il y a besoin dans The Shield, du moins, parce que Ambrose a un énorme talent. Il n'y a pas vraiment de leader dans The Shield. Oh, Ambrose, donc, je pense qu'Ambrose se détache. Hein. Ouais, moi aussi. Et dans sa façon d'être, dans sa façon de regarder, dans sa façon d'expliquer les choses dans un match. J'avais jamais vu Dean Ambrose dans mon ring et putain, mais qu'est-ce qu'il vend bien les prises. Ah, il est super. Hein. Ouais, quand il rebondit sur la chaise et après il fait une tronche. Ouais, ou quand il se prend la souplesse arrière aussi sur l'échelle. Oui, ouais, je sais plus si c'est la. Ouais, ça doit être ça. La double souplesse. C'est ça, oui, il est où ça. La double souplesse de Ryback était pas mal aussi. Voilà, la double souplesse, et on a l'impression qu'Ambrose il pleure de douleur. C'est ça qui est beau, vraiment. Je sais pas si on a parlé de Rollins, mais le mec, il a quand même. Il s'est sacrifié quoi, pour faire le show. Il s'est sacrifié. Quand même un énorme respect pour lui. C'est ça, parce que la façon dont il est retombé. Oui, quoi. Le lendemain, il était retour au travail, quoi. Donc, et sinon, vous avez pensé quoi de la fin? Enfin, je ne dis pas que c'est, je suis un peu déçu, mais par rapport au reste, en fait, par rapport au spot d'avant, ça fait un peu bizarre. Donc, c'est quand même pas mal là, pour avoir bon du point. Mais... En fait, c'est ce qu'ils ont bien fait, c'est tenu, en fait. Ils ont bien rendu Ryback à la fin, quoi. Oui, bah oui, il s'est relevé, il va arriver et tout. Mais moi, je pense que le spot de la fin, où il est pas mal, mais par rapport aux autres d'avant, en fait, il est moins impressionnant, mais ça fait bizarre. Et ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il passe juste derrière celui de. Ah, c'est ça, donc ça fait un peu. Mais bon, quand même, une power bomb à travers la. Ouais, voilà, ouais. La table et tout, troisième, voilà. Ouais. D'ailleurs, faut que Brian il fasse quelque chose, qu'il coupe ses cheveux et qu'il se rase un petit peu. Ah non. Bah non, justement, c'est son personnage. Moi, c'est ça, c'est vraiment son personnage. Il est en mode, je sens plus, hein. Non, mais le mec ressemble plus à rien, quoi. Ah ouais, c'est justement, c'est son personnage, c'est comme ça, ils le font pas. C'est mignon, pas mal. Rien. Non, mais juste un petit peu les cheveux, quoi. Et non, et non. C'est comme si Dolph, peut-être qu'il avait fait en 2011, se mettre les cheveux en noir. C'est le Ghostface, quoi, c'est ça. C'est resté une semaine, ouais. Hein, sa teinture moche à Ziggler, parce que c'était tellement horrible. On aurait dit Orton 2004. En vrai, c'est pas le sujet. En plus, je vois juste là, je vois que Dean Ambrose, il a que 27 ans en plus. Donc pour l'avenir, c'est peut-être pas mal non plus. Hein. L'avenir, il va. C'est le bon âge, 27 ans. Ouais, c'est le bon âge, ouais, carrément. C'est pas bon pour lui. Il y en a eu tellement de prometteurs comme ça. Ouais. Non, où est Swagger? Où est Ryan? On les attend toujours, ces deux-là. Ouais, Ryan, j'appelle pas son potentiel. Bon. Quand il était allé. Et DiBiase. Disait, ouais, non, mais DiBiase, c'est le dessous quand même, faut pas confondre. Il aille faire sa pêche, non. Hein. Bon. Même Drew McIntyre, on peut être fan de le voir dans les Free MB. Tout le monde a donné son avis sur le match ou est-ce non. Qu'on peut passer au match? Il y a pas Vince. Ah oui, Vince. Vincent, c'est l'oublié. C'est pas contre lui. Ouais, moi je le redis, je fais tout derrière et puis on m'oublie. Alors, je vais déjà dire ce qu'a marqué Brutti. Grosse surprise de le voir en milieu de show, mais finalement cohérent car l'expérience de Ryback en main event a peut-être déçu déjà. Mais quel spectacle, un rythme incroyable, une prise de risque phénoménale, excellent travail notamment de Daniel Bryan, Seth Rollins et Dean Ambrose, tant pour mettre que pour vendre les prises. Et le spot de Rollins qui se fracasse sur les tables est le moment le plus oh my god de l'année, personnellement. Finalement, la victoire de The Shield est logique et montre des débuts vraiment parfaits. A noter que le chouchou de Triple H a fait le tomber, c'est-à-dire Roman Reigns. Et il ajoute que Reigns a la plus faible expérience du lot, Ambrose et Rollins ont un grand avenir à la WWE, c'est avec Bryan l'illustration qu'après Punk, l'indépendant prend le pas à la WWE, et ça fait plaisir que ses talents soient mis en valeur. Moi je voudrais ajouter que ça a été l'intelligence de la WWE de ne pas trop avoir mis en avant Ryback et Reigns, parce que c'est les deux moins techniques, enfin les deux moins rusés au niveau du catch dans le ring, donc cette intelligence, quoi, ça, au moins ça a pas pêché dans le match. Et heureusement qu'il a réussi son spear, Reigns, parce que bon, il y a 3 ans il faisait encore du football américain, donc si c'est pas fait un spear, faut vraiment qu'il rentre chez lui. Bah, regarde Titus O'Neil, c'était pareil, c'était aussi un joueur de football américain, et puis là il commence à devenir potable. Ouais, après ça va rien dire, hein, mais. Heureusement qu'il a réussi son spear, parce que si lui le réussit pas. Non, mais il fait bien les spears. Heureusement qu'il fait. Est-ce que vous voulez passer au match suivant, monsieur? Oui. Ouais. Ça plaît, oui. Ouais. Alors, on est passé d'un match de 22 minutes 46 secondes à un match de 3 minutes et 7 secondes. C'était Diva. Match pour le WWE Divas Championship. Ça dure 3 minutes et donc 0,7 secondes. Et X-Torres a donc battu Naomi sans grande surprise. Donc, j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Un bon match de 3 minutes. Ouais, Naomi est souple, c'est bien. Ouais, elle est souple, et puis, dommage qu'elle n'a pas un adversaire à sa hauteur. Quoi. Voilà. Ouais, ça n'est pas dégueulasse non plus, quoi, dans le ring. C'est loin d'être la pire diva du roster. Hein. Ouais, carrément. Ah non, c'est clair, mais bon, c'est quand même un niveau en dessous de Naomi, quand même. Et juste dire aussi que c'est jamais facile de passer derrière un TLC comme ça aussi. Pour les en divas. Plus. Ouais. Pas facile. Voilà, c'était la pause diva. Ça ne serait pas pour parler, là, dis donc, Vincent, t'as oublié. Non, ouais, mais c'est clair que Iftorat, j'aime pas son règne, parce que bon, c'est du vu et revu, donc. Dommage qu'elle. C'était nul. Non, mais c'est clair que si on aurait pu avoir un petit Naomi en championne, comme ça, what the fuck, contre des matchs contre AJ ou je sais pas qui, ça aurait pu être pas mal, quoi, mais là, Iftorat. Je vois pas qui elle peut affronter, quoi. Parce que bon, Oksana, Elle part de tellement loin, c'est pas la peine. Kathleen, ouais, enfin là, on parle de retour de quelques divas, donc il se pourrait bien qu'elle affronte une ancienne diva. Qui pourrait Michel McCool. Michel McCool, Maryse, on sait pas. Hein. Maryse, l'arrêter. Michel McCool sur le ring, quand même, c'était quand même solide. Il y a au moins des boomages de divas. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais, elle est cool. C'était quelque chose. Ah, ça, c'était génial. Michel McCool, je crois pas à son retour parce qu'elle a accouché il y a pas longtemps, donc ça m'étonnerait qu'elle laisse le bébé à la maison. Et Mélina, elle devient quoi? Taker, il s'en occupe, Vince. Que Mélina, il se fera enculer. Et demande à Mélina, elle se sert foutre. Je la veux plus à WWE, elle a tué la carrière à Morrison. Elle demande des tarifs inconsidérés. Ouais, mais elle est très bonne dans un ring. Ah, mais là, elle est en semi-retraite, là, c'est oublié. Ah oui, puis Verpa, toi qui connais bien, y a pas une diva à NXT qui est d'un excellent niveau ou... Ah bah, y a Paige. Pas 50, hein. C'est l'avenir, c'est ça? Enfin, je Paige, parce que sinon, t'as la fille de Ric Flair. Alors, elle, déjà, je sais que je peux pas la blairer. Ça non, doit se dire, la meuf, elle doit se dire, putain, Verpa, il peut pas me saquer. Elle est partie à Vicky aussi? Non, elle est. Je sais pas. Qui? La fille à Vicky, elle y était. Non, elle est partie. Elle mais elle est partie. Très... Elle était ignoble dans un ring, mais par contre, au niveau du micro, c'était quelque chose. Hein. Elle était. Vous imaginez la fille qui arrive. Peut faire quelque chose dans le sens, mais on parle tous de la fille à Vicky, mais c'est surtout la fille à Eddie Guerrero, quoi. Ouais, mais putain, la honte à son père, quoi. C'est la honte de la famille, la meuf. Elle avait un bon personnage, mais par contre, la fille de Ric Flair, elle est ignoble. Charlotte, je suis sûr qu'on va l'avoir avant SummerSlam prochain, on va l'avoir dans un roster de la WWE. Mais alors, déjà, faut se préparer là. Psychologiquement, ça va être. Déjà qu'on va voir la Rouffe en 2013, enfin, Silver Star Lefort plutôt, non? Oh, il faut un an, il sera pas là pour l'automne prochain. Non, en début 2013, il a dit. À l'écran. Ouais, mais à NXT, avant qu'il soit dans un grand roster, ça sera. Je te parle pas NXT. On sait tous qui va gagner le Rumble, hein. Vous êtes fous, quoi. NXT, t'as 3 téléspectateurs, qu'est-ce que tu veux faire? Si je vois un jour Sylvester Lefort dans NXT, je m'attache au directement. En fait, ça montre bien c'est l'intérêt c'est qu'on a pour les divas. On parle de Sylvester Lefort. Ouais, on parle des divas. Elle est bonne, Lefort. Le Fort Boyard. Effectivement. Non, mais sur les divas, c'est un désert. Ça reste. Y a rien de bon. Il y avait Audrey Marie, je crois, qui a un nom bien français alors qu'elle est bien américaine. Sinon, non, mais c'est vrai, Audrey Marie. Ah ouais, carrément, ouais. On peut penser qu'elle est. Alors qu'elle a un paysage de. Enfin, un personnage de campagnarde. Mais vraiment. Alors que Lefort, il s'appelle Sylvester. Ouais. Je regarde qui est-ce qu'il y a sinon en diva. Non, mais il y a rien. Il y a Summer Rae, mais alors elle, à part la présentation, elle peut rien faire. Si, il y a Tenny Taylor, l'ancienne de la promotion de Landstorm. Je pense que je parle tout seul, mais Emma, son nom à la FCW, c'est une ancienne de la Shimmer, une ancienne de l'académie de Landstorm. Donc c'est un gage de qualité. C'est un gage de qualité, là. Elle était quand même horrible il y a 2-3 ans, elle s'est améliorée. Après, il y a celle qui a enfoncé Paige la semaine dernière, Sasha Banks. Bon, elle est pas mauvaise, quoi. Ça va encore pour l'instant. J'ai jamais vu. Bah, c'est celle qui a fait ses débuts la semaine dernière. Je trouvais que ça allait. Bon, après, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est déjà mieux que Kathleen, Aksana et autres, quoi. Bref, ce sera Layla, les gars. Fin du sujet. Dans le roster, c'est pas russe. J'aime bien Kathleen. Concurrence Aksana. Y'a pas le titre. Est-ce que je peux déconnecter vers Fa parce que sinon on va parler de Ziggy pendant une demi-heure. Écoute, t'as dit que personne parlait, c'est bon. Allez, c'est parti, on va pouvoir passer par le suivant. Le Chairs Match pour le World Heavyweight Championship, ça a duré 14 minutes et 17 secondes. Les Big Show a conservé son titre de World Heavyweight Championship après avoir assaini un mastodonte de coups de chaise à Sheamus, quoi. Enfin, un peu pourri. Mais les Chairs Match, de toute façon, ça marche pas. Moi, j'arrive pas. J'aime pas du tout. C'est la pire stipulation au monde. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai regardé en vitesse x2 parce que du Chairs Match, ça m'ennuie. Ouais, c'est complètement... pareil. Ouais, tout pareil que Ben. Et puis là, du Sheamus Big Show, honnêtement, je commence à en avoir ma claque. Parce que 3 matchs, c'est quand même bien suffisant. Bon, après, l'innovation avec la grande chaise à la fin, c'est plutôt sympa. Mais bon, s'ils font ça avec tous les objets, maintenant, ils vont prendre une grosse table maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà. Big ça devient un peu relou quand même, quoi. On est là dans le match avec Big Show, c'était la big échelle. Là, ah base, oui, c'est ça, chaise, totalement. Et... Ouais, quand, après, le big un peu cartoon, quoi. Et bon, chaud, j'ai trouvé ça bidon, la fin, un coup de chaise dans le dos, c'est bon, il fichu. Oui, voilà, ça y est, c'est une grosse chaise, il prend dans le dos. C'est dommage qu'on a plus les gros coups dans la tête, quoi. Mais bon. Ah ouais, ça c'est bonne raison. Il aurait tué là. Ça me dérange pas qu'il y ait plus de chair shot, parce que quand tu vois ce que ça a fait, genre, Omega, voilà, ça l'a un peu... Ouais, mais c'est quand même beau à voir, je trouve. Enfin, je sais pas, moi j'adore. Moi, je rejoins bien sur un DVD. Si t'adores, tu viens chez toi, je t'en fais un, on va tester, hein. Pas de soucis. Quand tu regardes sur un DVD, tu remarques ceux qui prenaient des méga coups en 2000-2002, il n'y a plus des masses qui sont encore là. Hein. Ouais, mais une fois de temps en temps, quoi. Regarde Lenskade, même quand il est en équipe avec Murdoch, c'est toujours lui qui prend les coups. Ouais, un coup de temps en temps, ils vont pas crever les mecs. Enfin, bah, ils mettent les mains, puis voilà. Enfin, faut attendre la mort de Mick Foley. De toute façon, il a dit qu'il donnait son cerveau à la science pour qu'il l'étudie sur les coups de chaise. Martel. Avis, avoir du boulot. Putain, crève Mick Foley, crève. Non, ça doit être un gruyère son cerveau. Non, bah, comme le reste de son corps, quoi. C'est... Enfin, c'est... Il est cassé en deux, le mec. Ah, bah, là, c'est clair. Bref, un quid du titre de champion. Mais c'est vrai, vous voyez qui pour la suite Pour retourner avec un Big Show? Moi, je sais pas. Arrête. Franchement, non. Et non, enfin, il y en a qui ont donné le droit sur le match. Déjà, c'est un tour de healer, c'est pas possible. Un cash de Ziggler? Non. Non. Kofi Kingston. Mais le problème, c'est que Big Show est heal. Et il n'y a pas de face vraiment. Ryback. Non, pas Ryback. Eh ben, moi, je te donne mon avis. Moi, Ryback, je suis d'accord. Ça sera Ryback. T'imagines, c'est plutôt à WrestleMania, je pense. Oui, je passe pour l'avenir, bien sûr. Il fait une prise impressionnante et tout, ça fait une grosse image pour le pay-per-view, quoi. Quel ennui. Big Show encore. Ryback. Encore faut-il que Ryback puisse le porter. Là, c'est Ryback qui se fait quelque chose. Et pourquoi pas Tensai? Non, je déconne. Non. Ryback a déjà du mal à porter Tensai, alors avant qu'il... Bah oui, voilà. Master à Rose, c'était magnifique. Ouais, mais les gars, si on commence à trouver des adversaires qui n'arrivent pas à soulever Big Show pour les finishes, il affronte personne, hein, le mec. Donc bon. Et sur le match en lui-même, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon, le numéro 1 qu'ils ont fait, ça sera le meilleur pour moi, celui de Hell in the Cell. Entre ouais, je suis d'accord. Show, c'est vraiment, on a été très surpris ce soir-là. Ouais, celui-là, c'était pas mal. J'ai préféré celui-là, celui de Survivor Series, par exemple. Voilà, dans la trilogie, je placerai celui d'Hell in the Cell en premier, celui-là en deuxième, et celui des Survivor en troisième. Sinon, il y a Bruce qui dit que c'est un excellent match, très très bien travaillé. Super White Noise de Sheamus à travers les chaises. Ils n'en ont pas fait trop avec les chaises, j'ai trouvé bien fait. Et au contraire, la chaise après le KO Punch, c'est cohérent. Par contre, après ça, ils doivent passer à autre chose maintenant que Big Show a gagné clean. Moi aussi, je suis d'accord avec Renaud et Bruce aussi, je trouve que c'est un très bon match. Moi, je le mettrais au même niveau que le premier. Parce que, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a une situation en plus, mais... Je trouvais que le combat était très bien construit, c'était cohérent. Ouais. Et que Sheamus avait pas trop le syndrome Cena pour une fois. Tu veux dire quoi par le syndrome Cena? Bah dans ce sens, le mec qui prend des coups pendant tout le match et qui fait son bro kick à la fin, puis c'est fini quoi. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends mieux. N'empêche, je crois que c'est le meilleur de tous les chairs match qu'on a pu voir. Ouais, complètement. Alors ouais, voilà. Ça ouais, dans les chairs match, c'est le meilleur. En même temps, c'est le meilleur. Taker Batista, c'était terrible, ouais, dans le mauvais sens. Ouais, en plus, c'est ça, c'était potable. En plus, pour une fois, il y avait véritablement une histoire de fond derrière ce match en chaise, puisqu'il y avait un précédent, vu que Sheamus avait attaqué le Big Show un mois avant au pay-per-view de Survivor Series. Donc, pour une fois, le match chaise n'a pas été ajouté comme ça par hasard, parce que voilà. C'est le pay-per-view TLC. Exactement. Moi, j'aimerais faire un point, juste pour terminer le débat sur ce match. C'est juste que je pense que le match a souffert et il y a eu le gros TLC derrière. Je pense que c'est vraiment ça qui a eu des difficultés à revenir dans le match, quoi, parce que c'est un gros match, mais ça avait juste le gros TLC derrière, donc c'est dur d'embarquer dans ce match-là, je pense. C'est le seul gros problème. En parlant de TLC, je pensais qu'on ne s'en a pas parlé tout à l'heure. CM Punk devra défendre son WWE Championship dans un TLC match face à Ryback. C'est un TLC? Ouais. Pour le pro, enfin le 7 janvier, c'est ça? Ouais. En gros, le match qui était prévu à la base. C'est ça. D'accord. Et donc, reporter à moi. Généralement, les titres, ils changent pas. Généralement. Non. Bah non, bon. Ouais, bah écoute. Non, il changera pas avant le Royal Rumble. Bon, non, ce serait du grand n'importe quoi. C'est... Ça va faire plus de 400 jours en règne. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Ah ouais, c'est historique. Là. Bah, surtout dans... Enfin, comme il dit, dans l'ère moderne. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est ça. C'est quand même assez incroyable. Quoi. Ah, c'est incroyable. Bah, c'était... Il y a déjà un bout de temps, c'était déjà le meilleur règne depuis 25 ans. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'on n'a pas vraiment mis en avant ce règne. La célébration de son règne de un an, là, était toute pourrie. Ah non, mais c'est vrai. Le mec, ça fait un an qu'il est champion. Juste comme, et... ça, juste comme ça, je rappelle qu'on parlait des... ouais, de Sheamus contre Big Show. Oui, c'est ça, c'est clair. C'est de ta faute, t'as rappelé le match entre Ryback et Punk. Bah voilà, tu m'as coupé, tu continues. Voilà. Sinon, bon, personne parmi vous... Personne parmi vous n'a cru au cash de Ziggler ce soir-là? Non. Et non, non, parce qu'il était en main event. Et si, mais il aurait dû cacher avant de la fin. Et en plus, la fin du match, quoi. Je crois quand Big Show va parler. Et en plus, s'ils auraient fait, ça, ça aurait fait vraiment copier-coller sur l'année dernière. Ouais, en plus c'était encore le Big Show qui aurait fait un chairs match et qui prenait aussi... Ouais, non. Bah, puis ça aurait aussi un peu annulé le match, puisque s'il avait encaissé sa manette, il n'y avait plus de manette pour contre Cena. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça aurait été original qu'il ait le titre et qu'il le défende contre Cena après. Mais bon, ça aurait été... Ouais, c'est une mauvaise idée. Le côté imprévisible du pay-per-view, regarde, on change au dernier moment comme ça. Ouais, mais je pense que les bookers n'ont pas assez de couilles pour faire des trucs comme ça. Ouais. C'est... Non. Ce serait kiffant, mais non, quoi. Est-ce que vous voulez parler du match suivant? Oui, s'il te plaît, oui. Moi, j'avais envie de parler de la promo de CM Punk, quoi. MP veut parler de la promo de CM Punk. Mais moi, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Punk. MP veut parler de la promo de CM Punk. Vas-y, MP. Non, mais je me rappelle pas de tout ce qu'il a dit pour Gus, là. Parce que c'est dimanche, je m'en rappelle plus exactement, mais c'est quand même une bonne promo. Il parlait de que Rabat n'aurait pas dû le blesser parce que c'était le même roman, quoi. CM Punk qui avait payé tout, je me rappelle de ça déjà, mais CM Punk, selon moi, c'est quand même, je pense que c'est vraiment le meilleur au micro de la WWE, puis il l'a prouvé encore ce soir-là, parce que trop promo, toute la foule, c'est un plan extraordinaire de la caméra qu'on a vu, toute la foule était virée vers lui, parce qu'il a certainement l'attention et tout. Paul Heyman aussi, d'ailleurs, énorme dans son rôle à Raw, le lendemain, avec le 5 Ric Flair, CM Punk était aussi très bon. Donc moi, j'applaudis le travail de CM Punk. Je pense que c'est un très bon ring de champion qu'il a. Il continue sur cette lancée extraordinaire. Donc je suis juste impatient de le voir de retour sur le ring, quoi. En tout cas, ils ont changé son t-shirt. Je pense qu'il n'a pas dû l'apprécier, son t-shirt. Enfin, voilà. Ouais, son t-shirt jaune. Anecdote esthétique. C'est comme le t-shirt de Sheamus là, avec sa bottine, c'est un peu moche aussi. Brock kick. En ce moment, il n'a pas beaucoup de réussite, à part celui de Sendo. Ouais, celui de Sendo. Il tue celui-là. Agus, si tu veux me payer, tu m'achètes celui de Sendo. Agus, ah, payer, avoir des sous? Non, impossible. Allô, tu vas en recevoir, mais c'est savoir pendant combien de temps tu vas les garder. Je ne sais pas, tu ne sais pas, et je reste planté là. C'est pas ça. On peut l'exclure? Oh là là là là. Non, c'est pas possible. Un karaoké vivant. Allez. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voulez passer au match suivant? Oui, on veut. Oui, et allez, ouais, vas-y. Vas-y. 3 minutes, 24 secondes, six-man tag team match entre les Trimby, donc East Slater, Zunderman et Drew McIntyre, contre The Miz, Alberto Del Rio, qui venait donc de tourner apparemment. Et là, The Brooklyn Brawler est apparu. Oh my god! Oh là là! Bonne c'était idée. Plus visible hein, quand il a dit qu'on a un partenaire surprise. Moi j'avais deviné, je sais pas vous. Mais... Oh non, pas moi. Moi je m'attendais à un truc plus gros en fait. Ah ouais? Un truc plus sympathique en fait. Oh putain, c'est qui? Pas non plus. Vu les adversaires, fallait pas s'attendre non plus à un truc extraordinaire. Oui, c'est sûr, mais je m'attendais à plus sympa. Enfin, quand tu vois que la foule qui chante We Want Ryder en tout début, quand ils ont dit qu'ils voulaient un partenaire, enfin, ça aurait été sympa de mettre Ryder, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, bref, on sait que c'est bien que c'était booké déjà, donc voilà. Ouais, voilà, ouais. Pourquoi pas Fandango, le danseur Johnny Curtis? Non, mais lui, apparemment, il a abandonné, lui. C'est dommage. Franchement, c'est un personnage. Il donnait envie. Moi, j'aurais voulu voir Fandango. Il y avait une vidéo sur internet de ses entrées, c'était moche. Tu m'étonnes. On allait faire la bataille des danseurs, quoi. Brodus Clay contre Fandango. Au final, pour revenir sur le segment, je crois que la première fois de ma vie, je vois une victoire de Brooklyn Brawler. Ouais, c'est possible. Mais c'est un jobber à vie, puis il a je gagné crois un match. Il avait réussi à gagner Triple H un jour. Ah ouais. Ouais. Mais bon, à part ça, non, il a que des défaites. Mais ce mec est une vraie légende en ça. Coulisses à la fédération. Et Steve Lombardi, il est vraiment apprécié de la fédération. Ça fait des années qu'il travaille à la WWE. Il a même propulsé le Rock. C'est lui qui a sorti, entre guillemets, le Rock. et qui a un peu mis le rock en avant, qui a proposé le rock au Booker à l'époque. Mais sinon, c'est clair que son personnage, à lui, c'est un truc de fou. Hein. Le Broken Brawler, moi quand j'ai vu ça, de toute façon, moi quand je vois Del Rio face dans ce pay-per-view là, je suis totalement dégoûté. Voilà, je vous le dis clairement, comme ça c'est fait. C'est un match bouche-trou, hein. C'est un match bouche-trou pour attendre le main event. Bon, voilà, rien à dire à part que voilà, moi je suis dégoûté de voir Del Rio en face. Le Miz aussi un petit peu. Bon, j'attends de voir pour le Miz. Non, ça va bien. Ouais, pour le Miz, j'attends de voir. Ouais, le Miz, j'attends de voir. Même pour Del Rio, son personnage de lui, il commençait vraiment à s'essouffler. Je m'emmerdais avec Adler. Ouais, pareil que Gus, moi aussi, pareil. Après, je pense qu'il peut gagner. Comment dire ? Il peut gagner quelque chose de sympathique, quoi. Bah, non, c'est pas ça, mais il a fait le face turn. Franchement, il fait le face turn comme ça. Un heel comme ça, main eventer, qui a été deux fois champion du monde, qui a gagné un Rumble, qui a gagné un Money in the Bank, il fait un face turn comme ça sur un soir. En sauvant Ricardo, alors que Ricardo, il pouvait pas se le voir. Ouais, mais après maintenant c'est difficile de faire des face turn. Tu voulais faire sur qui l'attaque, qui est chaud, enfin je sais pas. Exactement, par exemple. Ces dernières années, c'est Rosa Mendes. Oui, Rosa Mendes. Question existentielle. De quoi ? Rosa Mendes. Oui. Ils étaient en train de. C'est fini cette histoire. Ah, mais c'est. Ah oui, oui, elle est passée aux oubliettes cette histoire. Ouais, elle l'a sauté, puis c'est bon. Voilà. Non, mais en tout cas, moi, Del Rio, je suis pas fan, mais je pense, moi, je trouve que j'aurais plus d'intérêt à regarder Del Rio en face qu'en heel. Ah bah c'est voilà, un avis c'est un personnel. Comprendre. Ouais, voilà. Bah. Enfin, après, ouais, ouais. Voilà quoi. Ouais. Mais Ben voudrait conclure pour le segment. Oui, je voulais conclure, bah, simplement, parce que comme il vient de nous dire Renaud, que Broken Brawler, c'est quand même les gens dans le backstage, tout le monde l'adore, donc c'est peut-être pour le récompenser dans sa ville, le faire gagner, puis voilà, il a eu ça. C'est exactement ça. C'est ça, voilà. Ouais, bien sûr. Après, c'est un match comme ça. C'est arrangé tout le monde, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Et puis ça évite de faire revenir encore Dusty Rhodes ou les gars qu'on voit une fois tous les 3 mois, là, parce que c'est toujours les mêmes légendes qu'on voit revenir. Puis là, ça change un peu, Broken Brawler, on le voyait pas très souvent. Ces mecs-là, ils ont des contrats, donc c'est pour ça. Ouais, bon, ils ont des contrats, mais juste Rhodes, de légendes et de représentations. Mais... Dusty Rhodes, on peut oublier aussi qu'il est quand même GM de NXT. Ouais, bah, c'est parce qu'il est entraîneur aussi à NXT avec Joey Mercury. Et Sarah Del Rey d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué dans un des derniers épisodes, ouais, vous voyez Sarah Del Rey derrière, c'était qui, CM Punk qui était, ou Daniel Bryan qui était tout en haut dans une loge, sur derrière la caméra en fait c'était Sarah Del Rey, donc ça veut dire qu'ils avaient peut-être mis plein d'entraîneurs autour du duo et comme ça dans la loge, comme ça ils étaient tranquilles, il y avait aucun débordement, hein. Parce que s'il y en avait un qui avait été chercher des noises à Del Rey, je pense que il serait redescendu assez vite. Chercher des noises, le fou, merci Ben. Allez, messieurs, on va pouvoir passer au ladder match. Je peux ajouter juste un truc ? Non, vas-y. Je voudrais dire que Broken Brawler porte aussi bien le Boston Crab que Jinder Mahal porte le Kamen Clutch. Merci Vincent. Merci Vincent pour cette intervention. Alors je disais, main event, messieurs. Dolph Ziggler, John Cena, ladder match pour le... Bon, on peut dire que c'est presque un Money in the Bank match. Hein. C'est un Money in the Bank. Enfin, c'est un TLC. Hein. Ouais, c'est un TLC en plus. Ça, tellement prévisible la fin quand même. Ça a duré 23 minutes et 16 secondes et je laisse la parole à Mister Ben. Ah bon ? Ouais, bah, si tu veux. Ouais, bon. Je trouve que c'était quand même un bon match. Sina, il a fait quand même des trucs pas mal. Hein. Il nous a surpris. Bientôt, Sina va faire un 450 splash. Ouais, c'est vrai, quelques mouvements, il nous a bien surpris. Le Ziggler a fait le boulot encore. Ouais, franchement, c'est un bon match, mais encore une fois, moi, c'est le final qui me déçoit. Parce que moi, je l'avais deviné, quoi. Quand j'ai vu arriver, pour moi, c'était sûr qu'il allait faire ça. Je sais pas où, mais. Ouais, non, moi, je suis d'accord avec toi, Ben. Ouais. Moi, et Jelly qui se retourne contre Cena, moi, pour moi, ça me paraissait évident quand elle est arrivée. Alors là, ouais. Voilà, quoi. Même avant le match, pour moi, je savais qu'elle allait avoir une couille, qu'elle allait faire perdre Tina. C'était totalement couru d'avance. Après, ouais, je rejoins Ben, le match est bon, c'est bien construit. Après, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est un bon TLC, c'est agréable. Et puis, oui, voilà, c'est nickel. Et puis, Ziggler qui malgré tout, reprend sa mallette par une victoire, on sait pas trop comment, mais il retient la mallette, et puis c'est... C'est ce qu'on en tirera à la fin, quoi. Pour l'instant, c'est facile. D'abord, je vais dire les propos de Brusty. Le résultat prévisible, la manière m'a beaucoup surpris avec cette trahison d'être motivé par un cœur brisé. Le match est très bien assuré. Cena a fait un monkey flip et un hurricane rana a saigné, il a pris les risques. Et Ziggler est vraiment un talent multiple qui est un des tout meilleurs in-ring et qui a enfin son grand moment en main event de pay-per-view. Je passe surtout la synergie avec le public à fond pour lui, car sinon on a fait des limites AJ contre Cena au bout du compte. Ouais, très bon match. Peut-être pas le meilleur du match, parce qu'il y a quand même le TLC qui est énorme. Mais Ziggler, il a sorti le match de sa vie. Hein. C'était le match à gagner, il l'a fait. Donc, tant mieux pour lui. Après, le truc qui nous sort à roue, on parlait tout à l'heure, moi j'ai pas trop aimé. Mais sinon, le match en lui-même est très bon. Sur le match, d'ailleurs, il y a Ben qui soulève quelque chose. C'est concernant au moment l'arbitre s'enquérir de la santé de Cena. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un problème de dents, un problème de saignement? Les yeux, il a saigné ouais, l'œil. Regarde un peu l'œil, ouais. À l'œil droit, ouais. Ouais, et puis Cena aussi, il nous a sorti un Hurricane Rana, putain, waouh! Ouais, exceptionnel! Ouais, c'est clair, franchement. C'est... On vient de parler de quoi il y a deux minutes? Hein? T'as pas j'avais dit que. Non, c'est ça. Non, mais même la foule était vachement surprise. C'était assez drôle. Ouais. Quand il avait aussi Ziggler sur l'échelle et qu'il a pris l'échelle sur ses épaules, qu'il avait en fait l'échelle. Pour ah oui, oui, oui, exact. C'est impressionnant. Ouais, il y avait des trucs assez sympas, un petit peu innovants. C'était cool. Ouais. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce match. J'ai bien kiffé. Puis voilà, comme dit Vincent, c'est vraiment le match où Ziggler fallait qu'il gagne ce match pour s'imposer. Je pense que Ziggler il a franchi un cap. Dans ce pay-per-view, alors on l'a souvent dit, hein, on pense des fois que les mecs franchissent un cap, finalement non, ça retombe derrière. Mais là, c'est son premier main event de pay-per-view, c'est une victoire face à John Cena quand même, mine de rien. Il conserve sa mallette, je pense que Ziggler a franchi un cap dans ce pay-per-view, vraiment. Et puis la foule est à 100% derrière. Oui, voilà, c'est ça, je voulais juste rajouter, la foule est... Grâce à la foule, le match est encore meilleur, c'est ouais, ça. Complètement. C'est... Complètement. C'est le match que j'ai toujours pas vu, donc je le vois. C'est assez rare quand même d'entendre des Let's Go Ziggler, on l'a entendu combien de fois peut-être. Alors, on l'a entendu à No Way Out cette année face à Sheamus. Oh, on entend des fois quand même, on en entend des petits coups. Mais non, mais là c'était vraiment plus fort que les autres fois. Est-ce qu'en voyant ça, ils vont faire passer Face pour qu'il devienne vraiment populaire, pour qu'il y ait un engouement autour de son cash? Non. Moi je pense que c'est une possibilité pour Ziggler. Ah, pas pour le moment, moi je pense. Tu vois bien fait. Parce que c'est Vicky qui attire le hit de Hila en fait quand ils sont ensemble. Ouais, elle attire, mais là, attends, s'il y a Del Rio qui passe face, le mise en face. Non, mais c'est pour ça que je comprends toujours pas pour Del Rio. Après, c'est faut voir ce que va faire Orton après aussi. Aussi, sa blessure, et après, c'est une évidence qu'il va tourner Hila. Le truc avec Ziggler, c'est qu'il est tellement bon en fait que les gens ont du mal à le siffler. Donc, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc voilà. Et forcément, donc sur le long terme, ouais, c'est clair que le face turn me semble assez inévitable. Ouais. En fait, Ziggler, il est un peu en train d'avoir la même trajectoire que tout le monde, par exemple, gardé, mais que Randy Orton lorsqu'il était en Super Orton et qu'il battait tout le monde, et qu'à la fin, on se retrouve dans WrestleMania avec Orton. C'était le méga heel depuis 12 ans. C'est ça qui a amorcé le face turn. Il n'a pas été totalement réussi, mais je pense qu'on se dirige à peu près dans ce. C'est vrai que c'est assez similaire dans le truc. Moi, je pense aussi à Shawn Michaels à ses débuts, quand il était champion intercontinental, qu'il était heel à l'époque, et que les gens commençaient de plus en plus à l'apprécier parce que dans le ring, c'était énormissime. À suivre, on va voir. De toute façon, il a encore du temps, Ziggler. À chaque fois, on pense qu'il encaisse sa mallette, mais il a gagné à Money in the Bank, en fait. Donc bon, il a encore puis, du temps là aussi. Hein. Puis franchement, je regarde, il va avoir 33 ans en 2013. Donc c'est presque l'année ou jamais, on va dire, hein, parce qu'après... Ouais. Ah ouais. Moi, je sens bien un petit cash le jour de WrestleMania. Ça pourrait faire un grand moment. De toute façon, il ne le fera pas avant. Le cash à WrestleMania, j'y pars pas du tout. Même si Chamber, pourquoi pas, à la fin de... Après, de toute façon, on ne sait pas ce que le road to WrestleMania nous réserve. Après, c'est... Oui, voilà. Parce qu'il a encore l'issue avec le cash à Extreme Rules. Ouais, voilà. L'Extreme Rules, il a encore le temps, hein. Oui, il y a encore du temps, il y a encore jusqu'à Money in the Bank. Hein. Voilà, donc on vient trouver quelque chose. Parce que d'ailleurs, une question toute bête, mais vous voyez qui en favori pour le Royal Rumble, étant donné que là, on a quand même les champions qui sont établis après le TLC. Moi, je vois Sheamus ou Cena. Ouais. Franchement, le Rumble, c'est hyper ouvert. Moi, je vois Sheamus ou Cena. Moi, je connais Ryback. Tu vois qui, MP, toi? Ryback ou Cena pour MP. Moi, j'ai envie de me mouiller. Okay. Moi j'ai envie de me mouiller, ce serait Daniel Bryan. Ouais, je dirais pareil, moi je dirais Daniel Bryan. Ah ben on va faire un tour, il reste qui là? Qui c'est qui a pas dit? Ça serait ça. Mais c'est tôt quand même, parce que Sheamus. Oui, c'est tôt, c'est clair. C'était un peu. C'était un peu une nouveauté quand même chez Sheamus, il était au début de sa période main eventer quand même, quand il a eu son Royal Rumble, il n'était pas encore un main eventer depuis beaucoup d'années. Si après l'année suivante on recolle encore un Daniel Bryan, bon ok, renouvellement, mais là c'est du renouvellement à vitesse grand V. Hein. Il faudrait je pense quelqu'un de plus établi comme John Cena, ouais. Je pense que c'est le candidat le plus crédible, parce qu'après Randy Orton l'a déjà... Et pourquoi pas l'Undertaker? Non. Après, il faut qu'il fasse un Elimination Chamber, hein. Tu veux le tuer avant WrestleMania. Pas forcément, il fait pas d'Elimination Chamber. Pourquoi il fait un Elimination Chamber? S'il gagne un Royal Rumble, il faut bien que tu lui trouves un match à Elimination Chamber. Il va pas se faire un segment, il sait pas faire. Bah, pourquoi pas, le mec, il gagne son truc, il gagne son main event à WrestleMania pour une ceinture. Tu le fais apparaître sur l'écran géant en direct d'un cimetière? Ouais, ça serait bien s'il refaisait des bons vieux segments là, bien recherchés. Ouais. De toute l'ambiance un peu morbide, parce que ça c'est vrai que ça s'est perdu. Ça s'est perdu, ouais. Puis les années 2000 où tu voyais, ils allaient dans la maison de Paul Bearer, ils recherchaient des tablettes et tout ça, c'était énorme. Mais moi, des segments là, avec quand il y avait son truc avec Kane là, je pense en 2004, avant son retour à WrestleMania, segments comme des éclairs et tout, moi j'en veux pas, là, sérieusement. Des trucs en 2009, quand il avait ça fait avec Kane là, de pouvoir et tout là. Moi, je trouve que ça va un peu loin, quoi. C'est trop pas sérieux, quoi. On trouve les pouvoirs surnaturels et tout. T'accroches pas. Moi, j'accroche, non. J'ai une limite à ces personnes-là, quand même, quoi. Mais je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais j'aime mieux quand le catch est plus centré sur la réalité, comme Punk l'a amené, ou autre, quoi. Par exemple, j'aime mieux quand c'est des storylines qui sont plus crédibles, quoi. Bon, messieurs, on s'est éloigné du sujet. Carrément, je vous propose de passer aux notes de ce pay-per-view TLC 2012 qui risque d'être le nôtre risque d'être plus haut que celle qu'on avait donnée à WrestleMania. Alors je vais demander la note à monsieur Vincent. Je vais mettre 8 parce qu'il y a 3 très bons matchs et le reste est moyen, mais ça passe quand même pour certains, quoi. Ben. Oui, moi 8,5. Exactement le même avis que Vincent. Et la note un peu plus haute. Bruce oui. 9 sur 10, excellent pay-per-view avec un grand plaisir de le suivre en live avec MP et Renault. Ça donne une pêche pas croyable et ça remet des cartes avec la WWE avec des stipulations pas ennuyeuses. Un de moments faibles mais vite oublié et l'intensité des trois matchs principaux est à voir et à revoir. D'ailleurs, j'avais même l'excitation pour faire le live en commentant avec Vincent pour rester en cache. Renault, donc ta note. J'avais mis 9 dans la soirée avec MP et Brusty, mais je crois que je vais mettre 8,5 quand même. Je vais un petit peu baisser un petit peu à peine, mais je vais mettre 8,5, ouais, je vais faire comme Ben, 8,5, parce que la soirée elle a été superbe, c'est vraiment un énorme pay-per-view de l'année 2012. Donc ouais, je me suis régalé, 8,5. Et dire que d'habitude on compte pas... ouais, pour les awards, c'est ça? Les awards, ouais. Là cette année j'ai voulu attendre. Mais t'as bien fait. Vers quoi? 8,25. J'enlève 0. ça te complique les calculs. Combien t'as mis? 8,25. C'est voulu aussi, comme ça te complique les calculs. Et qui est bâtard ceci? Ça m'en fout, ça. Mais... Non, j'enlève 0,25. Non, je garde 8 et tout ça parce que bon, le pay-per-view est solide, tout ça, sans bon, gagner. Mais bon, la fin avec AJ est un petit peu pourrie. Donc on reste quand même sur la fin. Ok, Ziggler gagne et tout ça, j'adore Ziggler, donc je suis comblé. Mais je suis pas complètement satisfait de cette fin-là. Bon, par contre, le match du Shield, évidemment, il vaut déjà 3 points au moins sur 10. Donc déjà, ça rentabilise largement le pay-per-view et c'est un des peut-être le troisième meilleur pay-per-view de l'année. Derrière, sûrement, peut-être SummerSlam et WrestleMania. Tifo. Ouais, moi, comme mon acolyte leader de Ligue 1, moi, je vais mettre 8,5 parce que... Une foule déjà énormissime. Pour moi, déjà, moi, c'est limite si ça vaut 2 points, enfin presque, on va dire. Et j'ai envie de dire, comment conclure une année 2012 en beauté? Parce qu'on a eu des matchs, enfin un match exceptionnel, un match très très bon. Enfin voilà quoi, il n'y a pas grand chose à redire. Même s'il y avait eu quelques faiblesses avec d'autres matchs, on va pas se plaindre. On peut pas se plaindre quand on a eu un match 4 étoiles et demi, quoi. Enfin voilà, c'était du très bon. MP. Bah, je vous suis dans vos notes, 8,5. Et je tiens à dire, parce que vous voulez que je le mentionne, je baisse ma note du mois dernier sur la série, je mets à 6,5 pour faire la continuité dans tout ça. Donc voilà. première modification de notre réseau de radio un mois après, mais oui, je suis coupable d'avoir mis 3 sur Survivor Series et je le baisse, donc voilà. Est-ce qu'il n'a pas donné sa note? Moi. Sébastien. Alors moi je vais monter même jusqu'à 9 parce que pour moi c'est tout simplement le meilleur pay-per-view de l'année, je me suis jamais ennuyé, tous les matchs ont été solides, même les matchs de milieu de carte, donc ouais, un très bon 9. Et bien moi ce sera 9.5 parce que franchement je me suis pas ennuyé une seule seconde durant le pay-per-view, j'ai pas tout vu, donc le ladder match, donc c'est pas une, à mon avis, sans ladder match c'est 9, donc avec le ladder match à mon avis ce sera 9.5, tout simplement, donc... Faut que je me mette ça vite fait et à mon avis ça sera vraiment pour moi. Je vais hésiter dans les awards à voter entre TLC et WrestleMania. Je pensais vraiment pas hésiter cette année, mais TLC, et là ça a envoyé du lourd. Alors combien on est messieurs à avoir voté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si, ouais, si, ouais. 9. Ouais, ouais. Alors la note est de 8,64, messieurs. Et voilà. Wrestles Radio vous recommande le pay-per-view. Voilà. Wrestles Radio approuve le pay-per-view. Approuve le pay-per-view. Bon, mais écoutez, messieurs, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. On passe au Solani Award. Ouais, allez, ça marche. Un petit jingle, allez. Un jingle Trimby. C'est parti. Jingle Trimby. Allez, c'est parti. C'est parti pour les Slammy Awards. Donc c'était lundi dernier, ça fait, bon, c'était pas un rôle vraiment exceptionnel dans les matchs. De toute façon, en général, les Slammy, ça sert pas vraiment pour avoir des longs combats. Et vraiment, bon, qu'est-ce qu'on peut dire, messieurs, sur l'attribution des titres? Quel titre? Ouais, Gus, juste pour attribution rappeler, des awards. Parce que franchement, j'ai pas vu moi personnellement les gars le rôle. Pas vu le Slammy? Ouais. Non, désolé, mais ce serait juste justement pour savoir à peu près le compte rendu. Alors, je vais vous dire tout ce qui a été gagné, comme ça, sans vous faire analyser avec nous après. Très bien. Alors, le tour de force de l'année, c'est donc Sheamus porte un White Nose Habit Show. Ouais. Meilleur danseur de l'année, Brodus Clay. Ok, super. Les autres nominés, c'était Rosa Mendes, R-Truth et The Great Khali. Non, Gus, tu vas faire les catégories qui ont été faites pendant le pré-show. Ouais, enfin, si non, on s'en fout en fait. Il hein. Bah, y a que Diva de l'année qui est intéressant, le reste. Oui, voilà. Meilleur ambassadeur, bon, meilleur ambassadeur des médias sociaux, Charlie Sheen. Tweet de l'année, visage de chèvre et une insulte horrible. Mon visage est pratiquement parfait dans tous les sens. Et en effet, à partir de maintenant, je démets à être appelé Belle Brian. Concrètement, on n'a rien compris à ce que tu as dit. Mais c'est pas grave. J'ai dit. L'insulte de l'année, John Cena, Dolph Ziggler et Vicky Guerrero, vous êtes l'exact opposé. L'un de vous adore manger des noisettes alors que l'autre continue d'essayer de trouver les siennes. Quelle insulte. PJ Era Style, merci. CM Punk appelle, les autres nominés, c'était donc CM Punk appelle Daniel Bryan, tête de chèvre. Sheamus dit à Dolph Ziggler, regarde Dolph Ziggler, tu es enfin plus grand que tout le monde, félicitations, quand il est en haut de l'échelle là. Super insulte. Ah oui, super, magnifique. C'est énorme. Ouais. The Rock à John Cena. Si John Cena avait dirigé la révolution américaine, aujourd'hui tout le monde jouerait au cricket, buvrait du thé et bénirait. Ok. La barbe de l'année pour Daniel Bryan. La trahison de l'année, Big Show à son John Cena Over the Limit. Le chant de foule de l'année, Feed Me More. Ah, ça, c'est un vol, ça. Ah, ça, c'est honteux. Ça. Alors que Yes, Yes, Yes, Oscar, Codice, Snatchet, Emilie. Même Yves Torres était au-dessus, Ryback. www.com exclusive vidéo de l'année, Jerry The King Glover parle à www.com à propos de son retour miraculeux. Le bouleversement de l'année, Daniel Bryan, bah Mark Henry et Big Show, Royal Rumble. La diva de l'année, c'est donc Jimmy. Retour de l'année, Jerry Lawler. Baiser de l'année, AJ Lee et John Cena. Superstar de l'année, John Cena. Le moment LOL de l'année, Tensei s'est bien cassé la gueule, c'était rigolo. The Rock insulte John Cena en utilisant l'histoire de Boston, Massachusetts, en voyant ses produits dérivés dans la rivière. Les hashtags tendance de l'année, c'est le hashtag Film Noir qui l'a remporté. La révélation de l'année, c'est chez Ryback, pardon. Et le match de l'année, c'est donc Triple H Taker à WrestleMania 28. Ok. Gus, t'as réussi à nous saouler. Merci. Pas rien. Parce que là, j'ai encore plus vous saouler pour prononcer la liste. Ah, c'est voilà, bien parce que tu vas pouvoir tout redire. Ouais. Non, mais le souci avec la liste, le vote sur l'application, tu peux parler, merci. On peut voter avec l'application Wrestles Radio pour les Wrestles Radio Awards. Hein. Faut pas oublier, voilà. Hein. Download de Wrestles Radio. Non, mais c'était souvent avec leur application. Ah, c'était juste de la pub pour leur application. Quoi. C'est toutes les 5 minutes, attention, on peut y voter. Bon, c'est ça le truc de faire voter comme ça, c'est un concours de popularité. Allez. C'est même plus objectif. Bon, alors le Boogeyman, le retour, est-ce que ça vous a plu? Bah, en fait, concrètement, il a servi à quoi son retour? Nothing. Rien, oui, voilà. À illustrer le Sami qui était, je sais plus trop quoi, là, le truc. Le homme. Dis-moi que j'ai pas vu ça. Un truc qu'on n'oubliera pas, ouais, c'est ça, un truc dans le genre. Ouais, voilà. Après, c'est surprenant, mais c'était marrant. Après, on a eu le droit au retour de Billy Gunn et de. Oula, j'oublie le deuxième nom. Hot Dog Jesse James? Ouais, Hot Dog. Les New Age Outlaws. Les New Age Outlaws, ouais, bah, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait plaisir de les voir, je les ai bien connus pendant l'Attitude Era. Et ça me fait toujours plaisir de les revoir. On les avait revus au Raw 1000. De revoir encore là, ça fait plaisir, même si le Road Dog Jesse James, il a une émission à lui aussi, hein, sur internet avec qui déjà, avec le jeune là. Joe Matthews. Voilà, merci. Are you serious? Josh Matthews. Are you serious? Ah, oui, Josh Matthews, voilà. Sinon, il y a eu aussi le retour de Tommy Dreamer. Bah, là aussi, ça fait plaisir de voir Tommy Dreamer. Ouais, alors, Tommy Dreamer, ils l'ont mis dans un état, The Shield, je sais pas si vous avez vu les photos. Oh, il a un coquard. Oh là là là là. Ah, mais il est déformé. Hein. Ah, c'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de fou. C'est con parce qu'avec tous les trucs qu'il a fait, c'est. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, sa nouvelle fédération aussi, c'est House of Hardcore. Donc, je sais pas s'il y a de l'hardcore ou pas, parce qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de fiches disponibles sur internet. Mais. Ouais, je pense que ça doit être. Ça doit être soft, quand même. Je pense. Ouais, je pense. Ouais. Bah, par contre, il y a. Je sais pas si vous avez vu, mais pendant le match, il avait le t-shirt de sa fédé. Ce qui est pas mal. La douleur acceptée, ce qui est pas mal de leur part, quoi. Ouais, c'est sympa, ouais. Ouais, c'est comme un petit avec son truc de yoga, ils autorisent. Ouais, ils autorisent. Par contre, il y a le retour de Ric Flair. Là, je pense qu'on peut arrêter l'émission là-dessus. Ouais. Que dire? Que dire? Enfin, voilà, c'est une légende qui revient, mais à quoi ça va servir? Enfin, on s'en fout. Il était bien la TNA, en fait. Bah, honnêtement, ouais. Mais en fait, moi, tu vois, quand il y a. Puis après, non. D'abord, je reviens sur le segment pathétique, parce que Cena, déjà, qui reçoit le slammy du meilleur lutteur de l'année, donc déjà on peut dire que c'est un scandale. Et après qui fait son discours très face, baby face même, ouais non tiens je te le donne à Ric Flair parce que toi t'es le meilleur et tout. Enfin là c'était juste pathétique quoi. Ah ouais. Ah non, j'ai pas mais... vu, hein, j'ai pas vu, mais alors rien que d'entendre dire ça, bah oui, je vois déjà Cena, ouais non mais... Cours tant qu'il est temps. Et après CM Punk qui arrive, et moi je m'attendais à une petite réflexion de CM Punk concernant son passage à la TNA. Franchement, j'aurais vraiment surkiffé ça. Et malheureusement, il ne l'a pas fait, mais ça aurait été vraiment un sacré kiff. C'est dommage. C'est vrai que Ben le souligne sur le chat, mais à un moment, il fait une petite blague sur ses 4 divorces. Ça tombait quand même assez à plat. Bah ouais, pas grand monde était au courant, mais c'était bien vu quand même. Il y a une 5e femme ou pas en ce moment? Gus, tu dois être au courant, non? Non, je ne suis point au courant de cela. Sinon, ça m'a fait chier aussi de voir Ric Flair dans le ring, quoi. Donc le truc qu'il y a eu après avec Tim Enno et Ryback, ça m'a bien fait chier, quoi. J'aurais donné vraiment cher pour que Ryback le passe à travers la table, c'est Ric Flair. Oui, c'est clair. J'ai encore du respect pour lui, quoi, mais... Mais je sais pas, les gars, le retour de Ric Flair, tout le monde le veut depuis quelques temps, et maintenant qu'il est de retour, tout le monde s'en branle, en fait. Non, mais c'est un retour en bois, non, mais moi qui revient par un slam. C'est limite du. Non, mais c'est limite du chocutage, quoi. Parce que bon, tout le monde voulait voir Ric Flair, et maintenant qu'on l'a, on n'est pas content. Ah non, moi, je sais plus tout à l'heure, j'ai rien dit. Hein. Moi, perso, Flair, voilà. Je sais pas qui c'est, tout le monde, pour moi, j'ai toi, mais ici, je crois qu'il y en a non, pas. Non, mais je vois beaucoup de messages sur Facebook disant, ouais, Ric Flair, tout ça. Donc, il est de retour, tout le monde dit, ouais, c'était pourri. Ouais, Ric Flair, il est revenu, Ric Flair, il est là, c'est pourri. Non, c'est du chocutage, après. Moi, j'ai bien aimé. Ric Flair, il a toujours été mauvais. J'ai bien aimé le. C'est une légende quand même. Moi je suis pas d'accord avec toi, on verra pas sur Flair. Hein. Ah, mais j'ai jamais aimé Flair déjà. Après, voilà, oui, après ça c'est une question de goût. Après, ouais, sur les goûts et les couleurs, c'est sûr. Mais même sur le talent, tu vois, par exemple, la différence avec un CM Punk ou avec Batista, on peut dire qu'ils ont un talent quand même sur le ring. Ils font quelque chose. Ric Flair, avant, on va dire, depuis 1995, il fait pas grand-chose. On va dire, avant, bon, ok, entre 85 et 95, mais les fédérations, c'était régional et il n'y avait pas grand monde qui faisait un petit peu son petit chef dans les différentes régions, ouais. Dans les différents territoires. Donc, en même temps, c'était pas le même milieu. C'était, exactement, ouais. Aujourd'hui, on dirait que c'est la CFA, quoi. L'exposition n'était pas la même. Ouais, mais c'est trop compliqué, je pense, de comparer comme ça. Non, mais en fait, Ric Flair, il peut faire des petits retours comme ça de temps en temps à l'écran, mais après qu'il reste derrière. Quoi. Non, mais je crois que Flair aurait dû s'arrêter à WrestleMania 28, voilà. Oui, c'est clair. Non, WrestleMania 24, je voulais dire. Oui, oui, oui, oui, bah, tout à fait. Non, voilà, oui. Tu te rejoins totalement. Enfin, c'est même, c'était beau, une marque de respect pour Shawn Michaels également. Complètement, complètement, ouais. Bon, bah, je crois qu'on a plus grand chose à dire là-dessus. Hein. Non. Si, Ben, tu voulais dire quelque chose, non? Si, on... le Big E Langston, personne n'en a parlé. Ou parce qu'on que s'en quelqu'un fout. Connaît ce gars, parce que moi je connais pas du tout. On dirait qu'il est dans les Legion of Doom, Nation of Domination, pardon. Oui, pareil, moi je connaissais pas. J'ai cru que c'était Bobby Lashley au début. Moi j'ai non, cru non, que mais vraiment, qu'il avait rajeuni de 10 ans. C'est ça, à première vue, ouais. C'est exactement la même chose. Je crois que c'était une publicité pour WWE 13, en fait. Il a des bonnes pop à NXT, hein, Big E Langston. Ouais. Mais c'était c'est le nouveau champion NXT, c'est ça? Non, il a pas été champion. Ouais, à Seth Rollins, ouais. Ouais, mais c'est un peu un bordel à NXT. Seth Rollins, il est face. Il a WWE et vu avec les enregistrements, parce que là, on a déjà tous les shows au moins jusqu'au 15 janvier d'enregistrer. C'est le bazar pour suivre, en fait. Mais Big E Langston, il a mis du temps avant de se découvrir. Par contre, le problème que je me souviens, non, mais qu'il avait vraiment un très bon finish. Mais en dehors de ça, c'est assez juste. C'est un mélange entre Brock Lesnar et Shelton Benjamin, mais au moins bon. Ok. La blague de Ben, on va voir ce titre. Non, mais bah, je pensais qu'on avait fait un petit tour de table sur le pronostic de 2013. Sébastien, rapidement, Hitler, ou quoi? Ça vous dit pas, ou rapidement? À moitié. Non, mais on fera bien une émission pour le début du Road to WrestleMania, non? Oh, si vous voulez. Oui, bah, non, je pense. Ce qu'on va faire, c'est début 2013, on va faire un podcast déjà pour les awards, on en fera juste derrière pour une preview du Royal Rumble et une preview de l'année, pourquoi pas. Ouais, ça me semble bien mieux comme ça. Ouais, on va faire ça, parce que comme ça sera tranquille, on sera peut-être reposé, peut-être des meilleures idées. Et Bruce Tyr, achète-toi un micro. On t'attend pour 2013. Oui, alors bah, écoutez, merci à tous d'avoir écouté ce numéro qui a duré presque 2 heures, encore une fois. On vous remercie parce que bon, c'est le 30e. XXX. Ça fait un peu peurant tout ça. Mais écoutez, je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouvera bien évidemment en 2013 si la fin du monde ne nous a pas tués d'ici là. Et ne vous en faites pas, mais ça n'arrivera pas. Écoutez, que dire de plus? Que dire de plus à part remercier nos partenaires, bien évidemment, Instant Catch, Vox Catch, FN Lut. Facebook, le ça sera officiel, on est également sur Twitter, le Tumblr que s'occupe Sébastien, Vincent avec je sais pas qui, je crois aussi également s'en occupe. Qu'est-ce qu'on a, iTunes aussi, voilà. Retrouvez-nous sur archive.org et YouTube. Oh, je n'ai oublié personne, hein, dans les partenaires. Je pense que tu as aussi surtout oublié la petite blague de Ben qu'on attend depuis mais un an. Mais la blague de Ben, c'est à la toute fin. Tu vois, on va d'abord rappeler nos Twitter à tous. Et après, ce sera la blague de Ben. Alors, ton Twitter, Ben. Ben Messier. Ben Messier, si vous n'avez pas compris. Moussi, c'est Finland, je le dis pour lui. Renaud. Malenko06. Verpa. Verpa Toro, grande originalité. Vincent. Ouais, tu vois ça. Tifo. L-8 Tifo. Sébastien. Ricalevis 67. MP. WAM Maxime Poulet. Quant à moi, c'est Sparta-8 US. Et voilà. Bon, écoutez, la blague de Ben va pouvoir se quitter. Allez. La blague est sponsorisée par mon album. C'est important de remplir la sortie de mon album. La tournée des Zéniths, c'est pour quand? Bah, j'attends un promoteur. On verra. On verra ça en fin d'émission, Ben. J'ai un petit truc pour toi. J'ai ma petite blague, oui. Alors, qu'est-ce que ça fait quand Han Solo veut faire un 69? Ça fait un 34,5. Sur ce, hein, merci Ben. Allez, passez tous de bonnes fêtes. On se retrouve l'année prochaine avec toi. Salut à tous.